le mec est rodé. Bon, bah écoute, je pense qu'on va. Bah, depuis le temps, oui, quand même. Et pourtant, j'ai quand même essayé de ruser toujours à chaque fois. Bon, c'est vrai que maintenant que tu vois l'écran. Bah oui, là, je vois l'écran. Plus... Ouais, d'accord. C'est bon. Mort. T'es mort. C'est fou. J'arriverai pas à te piéger, te faire croire qu'on n'a pas démarré. Non. Très bien. Parce qu'on n'a pas démarré. Bah, j'ai pas dit encore bienvenue, tout ça. Hein. Ah ouais. Donc, bon, bah. Bah, vas-y, tu peux te lancer. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 23 de cette saison 2 de Road to Hellfest. Et c'est avec un réel plaisir que nous commençons cet enregistrement après une demi-heure, hein, une bonne grosse demi-heure largement, de trucs. Et apparemment, je continue de parler fort. Hein, c'est. Bon, bref, on verra. Oui, voilà. Du coup, hey, à la tienne. Hey, mais dis donc. Le son n'est pas le même cette semaine. Oui, un joli son tout en. Tout à fait. Fait amusant. Tout en. Je suis tombé sur un article, je crois que c'est Nico qui l'a partagé via un truc, de comment améliorer son podcast. Et ils expliquaient que pour éviter les petits bruits de bouche et tout ça, il fallait éviter de boire de l'alcool. C'était pas pour nous qui... Bah du coup non, je pense pas. J'espère pas. Donc comment s'est passée ta petite semaine? Bah bien. Rien de spécial. Tranquillou, non, rien de spécial. Pas de nouveautés dans ta petite vie personnelle? Non, rien de rien nouveau. À déclarer. Non, rien à déclarer. Rien. Tout va bien. Ouais, tout va bien. On n'est pas obligé de parler que des problèmes, il peut y avoir aussi des bons moments, des belles choses qui t'arrivent. Bah ouais. Je vais pas tout raconter non plus. Quoi. Non, mais c'est pas ce que j'ai demandé, mais je sais pas, il s'est rien passé depuis une semaine. Si, ce matin je me suis levé. Non, mais ça tu l'as déjà fait. Il y avait un peu de soleil. Non, ouais, non. Et là, ça c'était cool. Je sais pas, t'as pas acheté God of War par exemple? Ah, tiens, si. C'était bien? Ouais, c'était pas mal. T'as rejoué un peu? J'ai pas rejoué, j'ai joué, je l'ai essayé. Une bonne. Bon, 2 heures, facile, ouais. Deux heures et demie. Et ouais. T'aimes bien? Ah, bah franchement. Est-ce que tu le recommandes pour la semaine prochaine? Non, plus, ouais. Ah, plus. Ouais, très ouais. Bien. Ne pardon. Et oui, ne pardon pas. C'est ça, fâché. On peut ne pardon. Allez, donc là, et toi, non? Ah, parce que je sais pas, écoute, c'est ça. Oui, mais c'est toi qui le dis à ma place, d'accord. Et moi, alors, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça. Alors, bah, j'ai et toi, Jack, ta petite semaine a été bonne? Écoute, j'ai pas acheté God of War. Hein. Ah, d'accord. Déjà, je me suis un petit peu déçu moi-même. Normal. J'ai des petits problèmes de voiture, chacun son tour, comme dit le dicton. La roue tourne. La roue tourne, bah, la roue de voiture, justement. Et j'ai été voir le moto. Je vais dire le moto Gulta, mais non. Le truc des bagnoles là, qu'il y a eu dans la ville. Ah là. Oui. Ouais. Le truc de cascade avec les Monster Truck et tout. C'était pas mal, c'était pas ouf. Ouais. Ouais. Bah, disons que je suis pas un grand fan de bagnoles. Autant c'est intéressant le côté entre 2-3 numéros, ils expliquent comment ça marche. Ouais. La mécanique. Mm-hmm. Mais que moi, en dehors de mettre ma clé dans le contact et de démarrer, je connais rien. Ouais. T'sais, dès qu'il a dit un mot technique, genre il a dû dire, je sais pas moi. On ouvre le capot ici, c'était ouais, mort. Ouais, le capot, j'étais perdu déjà. C'est quoi le capot? C'est pas le coffre, ça. Alors. Sur certaines, si, justement. Ah, bah voilà, c'était peut-être pour ça. Passons-nous, n'aurions-nous pas directement aux news du festival? Tu crois? Ouais, je pense que c'est un bon début des choses. Hein. Peut-être. Alors. Je commence, tu suis, on s'enchaîne et la vie est belle. D'accord. Alors, la semaine dernière, je crois qu'est sortie cette interview chez nos confrères de Radio Métal, l'interview de Alex Rebeck, chargé de communication et du Hellfest Cult et accessoirement de la tournée des Warm-Ups. Warm-Ups. J'ai dit Warm-Ups. C'est bien. Donc, une longue interview, un peu à l'image de celle qu'il y avait eu l'année dernière avec Ben Barbeau. Donc une longue interview très complète qui revient principalement sur son rôle à lui, avec 2-3 choses qu'on apprend l'intérieur et la façon de faire du Hellfest, comment chacun s'occupe un petit peu de sa scène tout en même temps en restant ouvert aux autres, que les différents rapports avec les festivals existants, le download et ça, pour l'instant leur non-peur face au download. Aussi le rapport avec les groupes et les achats de groupes, à savoir que, par exemple, Alex est surpris de voir que le download a rajouté une journée avec les Guns N' Roses, et que c'est un peu ça qui a dû mettre des bâtons dans les roues, parce que Ben aurait bien aimé avoir les Guns, ce que j'ai lu en diagonale dans l'interview. Voilà. Une interview très intéressante, Oui. Pour savoir comment se passent les choses dans le milieu clissonné, qui sera bien sûr en ligne sur le blog avec les ressources, pas comme l'épisode de la semaine dernière que j'ai toujours pas fait. Hey, je te laisse la prochaine news. D'accord. Parce que je me dessèche. D'accord. L'interview de Perfect Circle sur le site. Excuse-moi. Perfect Circle. Bah, je ne l'ai pas entendu. Interview A Perfect Circle. Ah d'accord, oui, c'est parce que tu... D'accord, tu parles. Interview A Perfect Circle sur le site. Alors, j'ai entre guillemets, super, il me tarde de voir Judas Priest. Mais, ah oui, d'accord. J'ai oui. eu l'occasion de rencontrer Bob Attends, Alfred. Attends, je contextualise. Bah oui. Oui, mais non, mais tu dis pas les choses. Bah, je dis les choses, mais le truc, c'est que c'est toi qui les as écrites sur ce mais tu... Ah bah d'ailleurs, tiens, j'en profite, je fais une petite aparté. Bien sûr. Ça t'a fait quoi alors de faire tes petites posts cette semaine? C'était bien, chiant, problématique? Bah sur certains, t'as pas trop de trucs à dire, bah alors non, c'est ouais. super compliqué quoi. Ouais. Sur d'autres, bah après voilà, puis sinon, bah tu... voilà. Non, mais est-ce que ça t'a pas trop fait suer dans la semaine d'avoir ça à faire? Ah non, pas du tout. Non, c'est plutôt que sympa de, voilà, de se rajouter des petits trucs en plus. Je tiens à te le signaler parce que ça a été fait sur notre page Facebook, mais Julien aime beaucoup tes posts. Ah bon? Ouais. De là à dire qu'il préfère les miens. Oui, voilà. Ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un pas. Non, je ne me permettrai pas ce genre de choses. Il pourra parler d'une seule voix. Voilà, et ce ne sera pas la mienne. Donc, le contexte, en fait, c'est à la question « Qu'est-ce que tu penses de l'affiche de 2018 ?» Voilà. D'accord. Ben voilà. Ben voilà. Donc, contextualise. Voilà, donc maintenant, la réponse est... Voilà. Non. La réponse est super. Voilà. Du coup, il me tarde de voir Judas Priest. J'ai eu l'occasion de rencontrer Rob Halford, Ménard et moi partagions une maison pendant l'enregistrement du premier album. Stop ! Parce que là, il y a une faute. Et Rob est venu, parce que sinon ça marche pas. Et Rob est venu. Voilà. Voilà, tout à fait. Je vais la finir. Vas-y, finis-la, parce que du coup, tu es sûr d'autres conneries. Superbe, il me tarde de voir Judas Priest. J'ai eu l'occasion de rencontrer Rob Halford. Ménard et moi partageons une maison pendant l'enregistrement du premier album. Et Rob est venu nous rendre visite. Nous n'avions que 5 voire 8 morceaux achevés. Nous lui avons joué l'intégralité de ceux-ci et il a choisi Judith comme premier single. Nous préférions Trilly Brass initialement et étions déterminés à ce que ça soit le cas. Il nous a dit « Vous pouvez faire comme vous l'entendez, mais si vous sortez plutôt ce morceau comme single, vous vendrez 1 million, je vous le promets. » Vraiment ? Nous n'avions pas imaginé ce morceau comme un morceau pouvant passer sur les radios, donc nous lui sommes redevables pour nous avoir montré la voie. C'est beau. Ouais, c'est pas mal comme petite histoire. Il se serre les genoux, c'est bien. C'est le seul truc que j'ai vraiment ressorti de l'interview, parce qu'il y avait aussi une grande interview d'eux dans Rockhard. Et en fait, je l'ai pas lu en fait, celle-là. Bah, moi, j'ai loupé. Non, bah oui, mais donc... J'ai failli, à mon devoir. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Bon, bah, du coup, je te laisse faire les warm-ups. Ah ouais, les warm-ups. Hey, les warm-ups ont commencé. Quoi ? Comment ? Déjà ? Ça, ça le fait ? Ça le fait, ouais. C'est ça. Les soirées warm-ups. On va la faire la normale. Les soirées warm-ups. Ride Hellfest 2018 ont commencé la semaine dernière, le 18 avril à Rennes, le lendemain à Rouen. Pas de news de nos invitations. Non. Hein. Du coup, je suppose que donc nous ne sommes pas invités. Le 20 à Nancy, le 21 à Vitry-le-François, le 22 à Besançon, le 23 à Paris, hier à Lyon et ce soir à Genève. Encore 5 jours à savoir, Nîmes, Biarritz, Angoulême, Orléans et retour à la maison avec le 30 à Nantes. Au programme, concours de air guitare avec un pass 3 jours à gagner. Je crois qu'il y en a tous les soirs, des passes 3 jours. Oui, c'est ça, tous les soirs. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Au programme de chaque soirée. Des photoboots et pas des photoboobs. Ne pas confondre. Non, c'est vrai que c'est... Il l'a bien dit justement dans l'interview, Alex. Ah oui, oui, c'est vrai. Ce côté un peu... Oui, oui. Ouais, je suis assez d'accord avec lui justement sur ce côté-là. Peux-tu approfondir Que justement, en fait, tu as un côté sur le site en lui-même, pendant le Hellfest, pendant les 3 jours, 4 jours du Hellfest, qui est on se lâche, voilà, donc on peut avoir un côté un peu très sexy, un peu dénudé pour certaines personnes, notamment certaines gonzesses, et que du coup, ils vont reposter des photos dans l'année, je sais pas, hiver ou automne, et du coup, ça peut choquer un peu certains pisse-vinaigres qui. Voilà, donc il y a ce côté un peu mal assumé du côté métal, on va dire, je sais pas trop, enfin Ah, il l'a pas trop dit comme ça, mais libéré, tu veux dire? ouais, voilà, ouais, bah c'est mal assumé, enfin Ouais. c'était dit par rapport à ça, c'était mal assumé et que du coup il savait pas trop Comme... comment poster, Ah oui, ouais. s'il devait poster Bah, certains trucs pour ne pas choquer les c'est vrai que c'est un gens. truc intéressant aussi dans l'interview, c'est justement toute la partie où il explique comment communiquer avec le public. Ouais. Et que d'ailleurs, c'est son idée à lui, le fait de vouloir faire tout à 13h, 13h13. 13h13, ouais. Et que bah, Ben lui a dit, ouais, ok, fais ça. Par contre, pas 13h14. Ouais. Et bah, Ouais, il a donc, bien précisé, ouais. ça lui tenait à cœur de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a une manière dont il explique que c'est pas facile de gérer la communication. Il écoute vachement tout ce qu'il a comme retour et il essaye d'en tenir compte, mais que d'autre manière, on ne peut pas plaire à tout le monde. Satisfaire tout le monde, c'est Et sûr. voilà, plaire ni satisfaire, tout Comme le fait que Iron Maiden était la première à annonce fait. Ouais, et qu'il y croyait que ça allait et faire qu'il plus de. croyait Ouais. en fait, voilà, et que Il il est un peu est sûr. voilà. Bah, c'est Comment vrai que. faire pour surprendre les gens maintenant, quoi, du coup? Bah ouais. Mais oui, ouais, c'est vrai. Non, mais donc, c'est une vraie bonne interview. Non, ouais, à lire. Et donc, Et donc, pour photo finir, boobs. Photoboots, où une personne au hasard gagne également un pass, un merch exclusif, des goodies offerts, un concert de Display of Power, un tribute Yes. de Pantera, et bien sûr, Ultra de Vomit. Putain de Vomit, quoi. Ultra de Vomit. Ultra putain de Vomit. Les soirées sont à suivre sur le compte Insta du Hellfest dans les stories en quasi temps réel et dès le lendemain dans les vidéos sur la page Face de D'ailleurs, Bootcamp. tout à l'heure, j'ai reçu une notification. Il y avait un périscope donc en direct de la soirée de Genève, donc on peut suivre. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu voir, que ce soit en photo, en vidéo et tout, ça avait l'air d'être très très sympa. Ouais, j'ai vu quelques photos. Ouais. J'ai Moi, pas vu les vidéos, mais. j'aurais bien été à Nantes. Hein. Ah, j'aurais bien Bah. été à Rouen. Ouais. Du coup, pour Nantes, on est toujours plus ou moins dispo. Ouais, en plus, ça laisse le temps. Ça l'est. Du coup, Donc ça vous n'hésitez laisse un pas. peu plus de temps. Nous, on le prend pas mal. Hein. Non, non, non, Donc, non, bah on le prend bien, justement. oui, on est plutôt cool, vous savez, ça va. On Ouais. se doute que c'est parce qu'il n'y avait plus d'habitation ou un oubli, ça arrive. C'est ça. Donc, Ouais, non, je pense que. alors, autre news et dernière liée au Fest, là, ils ont publié sur le support et l'agenda, à savoir que depuis 2014, il n'y a plus le droit normalement d'afficher ou la distribution sauvage de flyers, en tout cas sur le site du Hellfest, même si juste à l'entrée, on en a encore quelques-uns. Qui arrive d'année en année à nous filer des trucs, Ouais. mais sur le site en lui-même, il n'y a plus le droit. Je trouve une très bonne initiative, ça. Oui, enfin, au final, ça se retrouve devant le site, quoi, parce qu'il y en a quand même encore pas mal devant le site. Ouais. Et donc, ils permettent à tous les organisateurs de festivals ou tous les gens qui font de la com d'envoyer un simple mail avec sous une forme nom de l'événement, groupe 1, groupe 2, la date, la ville, le département, le nom, et ce sera affiché sur un grand tableau. Qui est à l'entrée juste après la cathédrale. T'as un grand tableau avec toutes les dates et les lieux des festivals à venir. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de le regarder plusieurs fois pour voir ce qu'il allait avoir dans le coin. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace qu'un flyer que tu vas regarder 3 secondes, perdre ou qui va forcément finir par Et voilà, où tu vas faire saloper. un avion et tu vas le balancer dans la foule. Parce que tu aimes les avions. Voilà. Un rêve de gosse. C'est ça, des gosses. Un rêve des gosses. Des gosses. Donc voilà, et vous avez bien sûr jusqu'au 27 mai 2018 pour envoyer vos demandes. Par contre, le petit point qui m'a fait rire, c'est faut que ça soit des événements qui soient compris entre le 25 juin 2018 et le 1er octobre 2015. C'est marqué. Oui, tout à fait. Donc c'est rétroactif apparemment. Non, Donc c'est tu peut-être peux. pour avoir plus d'espace tranquille sur le. Ah Parce que donc sinon, t'as trop de trucs, quoi, t'imagines, ce serait énorme. le 1er octobre 2015. Ben oui, c'est ça. Ah bah, ils vont être très très tranquilles. Eh ben justement, ça va faire un panneau vide. Ça va être très bien. Voilà pour donc les news liées au Hellfest. Elles sont peu, mais elles Elles sont. sont là. Voilà. Nous passons donc maintenant aux news métal. Donc normalement, j'ai fait dans l'ordre de toi, moi, toi, moi, toi, moi, toi, moi, toi, moi. Ouais, vas-y, tu peux la refaire. Toi, moi, toi, moi, toi, moi, toi, moi, toi, moi, toi, moi. Cool. Ouais, non, je sais. Bah, je suis un professionnel, hein. Normal. Enfin, je reprends une petite gorgée de cette très bonne Gouda Lambrée. À fait. Oh! T'as Quoi? pas fait la. T'as pas fait la photo? Oh! Fougnasse, en plus, j'y ai pensé deux fois. Ah, je me suis dit, tiens, la photo. Bah tiens, attends, je te fais ça pendant que je lis la La news. photo. Tiens, ah oui, si je fais ça, tu vas pas y arriver. Bon, bah, tu te débrouilles avec ça. Super, merci. Alors. Skindred a publié un nouveau clip, That's My Jam, du futur album Big Thing qui sortira le 27 avril, à savoir après-demain, et que je m'empresserai pour la semaine prochaine, tout comme toi, mon cher Bob, d'écouter et d'en faire un petit retour, comme maintenant la nouvelle rubrique Les albums qu'on a écoutés. Donc, ce single est très sympa. Ouais. Je l'ai préféré au premier single que j'avais entendu. Moi, et tout. Et toi donc ? Oui ? Aussi ? Ouais, pareil. Bah, j'ai, par contre, le clip. Oui, non, le clip, c'est n'importe quoi, on s'en fout. Enfin, voilà. Mais oui, forcément. Ouais. Très sympa la photo. Ah, ben, là, les coulisses sont dévoilées, c'est. On s'en fout. Oui, non, c'est... On a dit qu'on se dévoilait plus. On se dévoile plus. Tu me feras penser à la mettre tout à l'heure. Oui. Ouais, donc très sympa. J'ai pas vu le fond, mais ouais. T'avais pas vu ? Bah non, parce que j'ai pris en fait ce qui m'intéressait le plus, ah, et oui, du d'accord. coup j'ai pas été donc, derrière. Et tu veux la revoir ? Vas-y, fais voir. Parce que c'est... Bon, on s'en fout. Enfin, ah non, on s'en contrefout. Il y a pas de. Regarde. Ouais, bah écoute, on s'en fout. C'est une chaufferie. Il y a rien de. Non, j'ai rangé mes sextoys, c'était bon. Ouais, non, c'était plus. La poupée gonflable est dans le tiroir. Donc c'est bon, il y a pas de soucis. D'accord, très bien. Oui, donc voilà, après-demain, nous nous empresserons d'aller écouter ce nouvel album de Skindred, qui ne passe et malheureusement pas. Et bien d'autres. Cette année. Ils sont passés l'année dernière. Ils sont passés l'année dernière, et ça, ça compte. À toi. À moi. Klutch. Un groupe que les mécanos aiment bien. C'est parce que toi, t'as dit t'as un mécano. Ah ouais ? Ah oui, c'est ça, votre garagiste. Voilà. Tout à fait. Ah, en fait, oui, je voulais faire, parce que serviteur, à la fin, c'est chiant. Oui, bien sûr, mais c'est très drôle. Truc, non, quoi. Mais c'est marrant. C'est bon, t'es marrant. Là, c'était plus pour le côté embrayage, moi, c'est pour ça. Mais bah oui, tout à fait. Logique. Non, je pense, enfin, ouais, merde, fais chier. Bon, on verra ça. Non, mais j'ai tout compris. Hein, septembre va être long pour certains, car la sortie du nouveau Klutch est prévue pour septembre. Et plouf. Il y a des auteurs. Et il s'appellera Book of Bad Decision. Enregistré au Sputnik Sound de Nashville. Le guitariste Tim Salt a déclaré au sujet des nouvelles compos, ce sont mes chansons préférées. Étonnant. Le matériel est un peu plus lourd et il y a une ambiance plus doom. Et oui, il y a des nouvelles comme ça qui font pas forcément plaisir. Et j'ai vu, ouais, j'ai vu un morceau tout à l'heure. Ouais, tu l'as vu, tu l'as écouté ? Qui était en live direct. En concert. En concert. Ah. Yeah, it's a new song, machin truc. Tac. Et donc ? Et donc, je pense que ça va dépulper les nichons. Encore ? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, ça va être pas mal. Bah, c'est du Klutch, quoi. Non, c'est plus doom et plus lourd. Non, je pense que ça va être du Klutch. Non, l'énergie marqué. Klutch, hein, ça va être vraiment... Un peu plus d'après ce que j'en ai vu. Et il a une ambiance. Ça, d'après ce que j'en ai vu. D'accord. Enfin, voilà. Enfin, c'est bien. Vrai que Nel Félon, pour ça, il est très très bon, quoi, sur scène. Ouais. Il se donne. Se donne pour tout le groupe, d'ailleurs, parce que les mecs sont pas très mouvants. Non, enfin, il y a Jean-Paul, un peu à la batterie, qui bouge pas mal. Oui, il s'appelle Jean-Paul. D'accord, bah, Jean-Paul Gatier. D'accord. Et du coup, ouais, à part Tim Salt et je ne sais plus le bassiste, mais les mecs ne bougent pas. Quoi. Bah, c'est ce que j'ai vu au Hellfest en 2017, effectivement. Très bien. Tremonti maintenant. Nouveau clip, Take You With Me, qui passeront samedi en Main Stage 1 à 15h05 jusqu'à 15h55. Un clip que j'aurais pu réaliser tellement il y a de bleu et que je fais ce genre d'image. C'est vrai, hein. Tu l'as vu, moi j'ai dit putain, mais j'aurais c'est, tout à fait. C'est moi. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu la première minute et je me suis dit ouais, dis donc, c'est bleu. Ah bah c'est complètement bleu. Hein. C'est fou. Donc l'album A Dying Machine, toujours prévu pour le 8 juin, est un album concept dont la musique s'inspire d'une histoire qui a frappé Mark Tremonti donc lors de la dernière tournée d'Alter Bridge. L'histoire qui est en train de devenir une œuvre de fiction complète de Mark et de John Shirley qui se déroule au tournant du prochain siècle, où des humains et des êtres artificiels appelés vaisseaux tentent de coexister. Les deux hommes travaillent sur la fin de l'album pour le sortir la fin du roman pour le sortir aux côtés de l'album. À côté de ça, bah, ce nouveau single m'a pas forcément plus emballé que le premier. C'est pas forcément des mauvaises chansons, mais c'est pas ce que j'aime chez Tremonti. C'est un peu plus mainstream et moins dans l'énergie que de ce que j'aime moi chez Tremonti. Ouais. Le peu que t'as écouté, t'en as pensé quoi, toi ? Je connais pas assez Tremonti, donc du coup, moi j'ai trouvé ça bien. Mais je te rappelle que tu l'as chroniqué, ce groupe. Oui, non, mais après, je te dis, comme on disait tout à l'heure, il y a des trucs qu'on ne se rappelle pas. C'est vrai, c'est voilà. Vrai. On a chroniqué des groupes, on ne peut vrai. Pas se rappeler de tout. On a pas... C'est un vrai problème, ça. Mais voilà, donc on reverra ça certainement avant... Avant la fin, ouais. Quand on aura fait le tour des groupes, exactement. On contrepartir sur certains groupes dont on a oublié ou pas assez approfondi afin de... Voilà. D'être vraiment prêt. Et donc, voilà, je n'ai pas grand souvenir de ce que j'ai écouté de Tremonti. Je sais que c'est plutôt bien passé. Mm. Mais voilà, là ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté tout à l'heure, ça m'a plu. Voilà, une bonne énergie, donc non, voilà. Bien. D'accord, très bien. News suivante. Parkway Drive. Yep. Nouveau clip, oh là là, que de news. Que de clip, samedi main stage de à 1h jusqu'à 2h05. Eh oui, c'est tard. C'est tard. Mais après, il y a le Metal Corner. C'est encore plus tard. Et un DJ que nous attendons tous. Tout à fait. Avec le titre Pray, nouveau single de Reverence, un album annoncé pour le 4 mai. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, vendredi prochain. Ouais. Prochain. Voilà. Tu l'as écouté ? De ce que j'en ai écouté. Ouais, j'ai écouté. Bah, j'ai mis le lien. Donc, ouais, bah, après, c'est passé aussi. Après, c'est le côté pray moi, qui m'a un peu... Prière ? Ouais. Prier ? Après, ça, voilà, non, c'est passé. Je te dis, j'étais entre deux trucs, donc j'ai pas trop tilté, mais après... Ça n'a ni arrêté ce que tu faisais, voilà, ni, exactement. Ni enflammé ce que tu faisais. Oui, non plus, ouais. Ouais. Mais Parkway Drive, tu t'avais pas trop mal aimé, non ? Ouais. Oui, ça, je rappelle que j'avais dit que oui, j'avais pas trop mal aimé. Mais oui, non, c'est passé plutôt bien. Je suis d'accord, c'est passé un peu comme ça. Ça ne m'a pas non plus méga hypé, on va dire. Je me dis, ah, génial, je suis trop pressé dans l'album, mais c'est plutôt bien passé. Ouais. Et pareil, c'est le deuxième single du nouvel album. Et j'ai préféré celui-là au premier, qui m'avait totalement, pour le coup, été passé un peu à côté. Oui, je crois que oui, je me rappelle que tu avais dit ça. Bullet for my Valentine, un clip pour le premier single Over It. Groupe qui passera donc samedi en Main Stage 1 à 18h55 jusqu'à 19h55. Était-ce vraiment utile ? En tout cas, ils l'ont fait. Gravity, futur album, est toujours disponible dès le 29 juin. C'est pas une mauvaise chanson, mais je sens vraiment qu'ils ont adouci leur musique et leur style. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une couche d'autre chose qui a été mise sur leur... à la prod ou un truc qui fait que c'est moins énervé qu'avant. Parce que j'ai réécouté justement, j'avais écouté le single en mode, c'est maintenant les vidéos avec les lyrics qu'ils font souvent. Oui. Avant la sortie du single, tu peux déjà écouter le morceau, mais avec les lyrics. Et j'avais pas du tout été emballé. Là, je l'étais un tout petit peu plus, mais c'est comme s'il y avait quand même une petite couche de propre dessus. Bullet for Valentine n'a jamais été le groupe le plus sale du monde ou le groupe le plus vénère, mais il y avait un petit côté brut de décoffrage. Bah, là, j'ai l'impression qu'ils l'ont recoffré. Tu vois, c'est un peu c'est dommage, c'est un peu adouci, je trouve, voilà. Donc parce que quand je me suis un peu plus concentré avec le clip, j'avais l'impression de retrouver des trucs que je pouvais bien aimer, mais un peu voilà, un peu aseptisé, quoi. Ouais. Voilà ce que je dirais. Moi, je suis passé totalement à côté, hein. J'ai pas, quand t'as écouté, ouais non, mais ça fait très propre, quoi. Ouais, c'est ça, très très propre. Voilà, je te laisse la prochaine. Hey, Scares on Broadway. Tu connaissais d'ailleurs ça ? Ouais. Ah. J'avais écouté l'album qu'ils avaient fait. Ouais. Enfin, qu'ils avaient fait. Alors, info, clip, news, quoi qu'est-ce ? C'est le projet groupe de Darren Malakian, guitariste et second chanteur de System of a Down. Alors, je voulais faire une blague sur chanteur, mais j'ai pas trouvé. Donc... Comment ça ? Bah, c'est pas vraiment un chanteur, quoi. Un choriste ? Non, c'était plus un mec qui tente des trucs avec sa voix, mais je pense. Enfin. Moi, en fait, quand je l'entends chanter, je me dis que je peux être chanteur. Parce que c'est... Ouais. Il chante, c'est particulier, quoi. Il monte pas mal dans les aigus, quoi. Bah, ouais. Mais bon, ça passe, hein. Ça passe. Oui, bah oui, après, ça va. Donc, après un premier album sorti il y a 10 ans, quand même. Déjà. Ça passe, hein. Darren a enregistré et composé tous les instruments de l'album Dictator, qui sortira le 20 juillet. Et comme cette fois, il a tout fait tout seul, alors que sur le premier, on pouvait noter la présence de John Dolmayan, Le groupe change de nom et devra désormais s'appeler Darren Malakian and Scares on Broadway. Un premier single est déjà dispo, à savoir Lives. Ben, c'est du pur Scare on Broadway, hein, moi j'ai trouvé. Ouais. Donc, en fait, ça fait un peu même d'ailleurs un peu du sous System of a Down. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit en voyant la... ça... même musicalement. Ouais, ça m'a fait plus en fait, ça faisait plus du sous System of a Down et un petit peu moins du Scare on Broadway d'ailleurs du coup pour le coup. Mais c'est vrai que ça... il y avait plus une influence. Donc je reformule, donc du coup, c'est pas du total Scare on Broadway. Je trouve plus que c'est un sous System of a Down. Ouais. Mm-hmm. Ouais, je trouve que ouais. Après, le morceau fonctionne bien, ça marche. Voilà, c'était tout le monde danse quoi. Ouais, voilà. Bon, le clip m'a pas. Non. Ce problème de clip, des fois, hein, ça peut te faire sortir. Ah, ouais, chanson, non, totalement, c'est clair. Mais ouais, non, ça s'écoute. C'est... Quand tu regardes un clip, il faut fermer les yeux, du coup. Ouais, c'est ça. Quand tu veux découvrir une chanson, il vaut mieux fermer les yeux. Ouais, ouais non, c'est. Je suis curieux, en fait, j'attends, parce que de toute manière, avant d'avoir du nouveau système, le temps va passer. Bon, l'album, moi, j'avais trouvé ça. Bien, ouais, je ne l'ai pas réécouté, donc je ne l'ai pas trouvé non plus une révolution musicale, ni je me suis dit c'est trop super, je vais réécouter, ça fait un moment que je l'ai écouté. Là, ce morceau-là, peut-être que je le réécouterai, mais juste avec mes oreilles et pas mes yeux, pour vraiment me faire une idée. Et puis j'irai écouter l'album au mois de juillet, histoire de voir ce que ça donne. Quoi. J'irai écouter, c'est sûr. Non. Mais c'est vrai. Mais oui, t'as raison, c'est du sous-système. Ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai remarqué ça pas mal au niveau de la batterie, en fait. Parce que moi, c'est aussi dans les riffs, moi, ça m'a fait penser à ça, le style un peu. Bah, c'est marrant, tiens. Alors, autre news. Alors, déjà, je suis un peu un pauvre type, parce que pour moi, il y avait à Montreux, il n'y avait qu'un festival de comiques. Et oui, c'est pareil. Bah ouais. Et ben en fait non, à Montreux il y a aussi un festival de jazz et ça, ils ont une partie en plus rock metal. Donc le festival qui se déroulera du 29 juin au 14 juillet, ce qui n'est déjà pas mal comme date, du 29 juin au 14 juillet. Ça va. À Montreux en Suisse donc, avec pour la partie metal rock le 3 juillet Iggy Pop, le 4 juillet Deep Purple plus The Temperance Movement. Le 5 juillet, Hollywood Vampire, mais n'y allez pas, plus Billy Idol. Le 7 juillet, Alice in Chains plus Emma Roots Rundle. Le 8 juillet, Queen of the Stone Age. Le 9 juillet, Nine Inch Nails plus Gary Numan. C'est quand même pour un festival de jazz. Si t'es dans le coin et que t'as une petite semaine à perdre, t'as moyen de passer des bons moments. Bah ouais. Voilà. Mais donc je suis. Tu peux choisir ta soirée en plus. C'est ça j'ai vraiment de l'inculture car je ne savais même pas qu'il y avait une. Et d'une, un festival de jazz, et encore moins qu'il y avait une partie rock-metal dedans. Mais moi, je n'ai pas l'impression que je serais un festival de jazz de Nantes, mais sinon... Ouais. En plus. Il vous en prie. Hey, Orange Goblin, tu connais ? Ouais. Ben voilà, de la news. Samedi, Valais, 19h40, 20h40. Voilà. D'accord. C'est une bonne news, déjà. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. Le groupe sortira son nouvel album, le 9e, et pas des moindres, le 15 juin, intitulé The Wolf Beats Back. Et la chanson Sons of Salem est déjà en écoute. Sur les plateformes musicales. Exact. Donc, pas YouTube, par exemple. Non. Pas trop Spotify, Deezer, Apple Music. As-tu été jeté une oreille ? Ben, forcément. Bien entendu. Et alors ? C'est du Orange Goblin. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Du pur de souche. Ouais. Mais apparemment, d'après lui, d'après ce qu'il dit, l'album aura ça changera un peu. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ce sera pas du pur Orange Goblin comme on a pu l'entendre sur maintenant quelques albums. 3-4 albums, ouais. Apparemment, il y aura des petites différences notable. Ouais. Non, mais c'est en tout cas, donc, c'est un bon single, ça passe pas. Ça passe bien. Hein. Ouais, ça passe pas mal. Ça te file. Mais c'est marrant parce que je sais pas si t'as remarqué, j'ai l'impression en ce moment, les news elles arrivent en bloc en fait. Ouais, en masse. Ouais, c'est peut-être l'été qui fait ça. Tu crois ? Il fait beau. Non, mais en fait, c'est vraiment parce que genre, tu savais toi qu'ils ont préparé un album Orange Goblin ? Ouais. Voilà, bah pas moi. Ouais. Tu vois ? C'est dingue. Hein. Oui, enfin, c'est un groupe que je suis aussi, donc. Peut-être pour ça. Non, mais j'ai remarqué qu'il y avait des années comme ça où beaucoup de groupes sortaient des albums et d'autres années un peu moins. Ouais. Bah là, j'ai l'impression que c'est une année où il y a quand même beaucoup d'albums. Je D'accord. Pour l'instant. Comme Clutch, c'est pareil. Ça faisait un moment que je savais qu'ils allaient qu'ils travaillaient en studio. Ça, je le savais, ça, qu'ils travaillaient, parce que j'avais suivi un peu les news. Par contre, le prochain, tu vois, je ne savais pas. Ah. Alors. Immortal chantait Lara Fabian, alors qu'Immortal n'a jamais chanté Lara Fabian. Le groupe sortira son nouvel album. C'est très bien, j'approuve, je like. C'est nul. En vrai, j'avais aucune raison de dire cette news. Non. Mais ça m'a fait penser direct. Donc je me suis dit, bon, allez. Bah, moi, j'aurais pas pu parce que franchement, je savais pas que Lara Fabian chantait Immortal. Donc, bah, du coup... Immortal! Non, mais je connais c'est pas. C'est parce que tu connais pas Lara Fabian. Bah oui. Tu vois, enfin, je connais de nom, mais, oui, mais mis à part. T'as un vrai manque de culture. Tu m'oublieras. C'est pas du tout Lara Fabian, ça. C'est Lara Rousseau. Ça commence par là. Ouais, c'est vrai. Bah, ça commence par et l'art. Et ça finit. Non, mais ça. L'art. Oui, en plus, ouais. L'art. Tu vois. Qui est un petit peu ce que les deux font, de l'art. C'est ça. Et très du bien. Cochon. Donc, le groupe sort. Donc, le groupe, hein, parce que pas Lara Fabian. Le groupe sortira son nouvel album, Northern Chaos God. On devrait tenter des fois, ça. Petite news. Peut-être qu'il y a des. Fake, des, enfin, des news de des groupe. Des fake news. Non, bah, pas des fake, ou alors des vrais. Des vraies news de, d'autres. Oui, on peut faire ça, oui. Là, en fait, oui, c'est vrai, on peut faire ça. Sortira le 6 juillet et c'est le premier album sans l'emblématique frontman Abbas qui s'occupe de son groupe. Abbas. Voilà. Donc, en fait, moi, je ne savais pas qu'il avait quitté le groupe parce que j'ai pas suivi. Je ne suis pas toute l'actu black metal. Ah. Et en fait, non, en vrai, le vrai point que je voulais, en dehors de la blague, voilà, c'est que Immortal, ça a été un groupe de black que j'avais un peu écouté quand ils ont débarqué. Parce que musicalement, je trouvais quelque chose d'intéressant. Et je décrochais dès que ça chantait. Ouais. Mais je trouvais un truc intéressant. Et dans les interviews que je disais de l'époque, c'était des mecs qui bossaient à l'usine et tout ça. Et qui prenaient des congés, en fait, pour aller faire leur tournée et tout ça. Donc, sympa. Ouais, non, mais voilà. Et je savais aussi qu'il y avait justement le guitariste-chanteur qui avait dû arrêter le groupe. Enfin, de les tourner parce qu'il avait une maladie. Apparemment, il est toujours dedans et il le fait encore. Mais normalement, il ne pouvait plus trop jouer de guitare. Ouais. Voilà. Donc, ça va être un album forcément très attendu par les fans. D'Immortal. À savoir si les fans d'Abbath vont suivre ou pas. C'est un. Ah, je pense qu'il faudra. Des fois, c'est des fois, il y a des guéguerres comme ah, ça. Ah, je pense qu'il y aura une scission, ouais. Clair et net. Il y a une scission, voilà, une scission avec moi-même. Voilà, c'est ça. Donc, pour les news, c'est fini. Oh. Non. Mais maintenant, la nouvelle rubrique. Les albums à écouter. Ah. Donc, nous avions 3 albums à écouter. Hors antenne, Bob m'a déjà dit qu'il n'avait pas écouté Crisis. J'ai écouté un morceau de Crisis. Et ne lui en tenait pas rigueur. Non, d'accord, c'est vrai. Il s'il fait ce qu'il plaît. Peut. Voilà, d'accord, s'il vous plaît. Il a joué à God of War pendant 2-3 heures. C'est, bah, ça. C'est bon, quoi. En une semaine, c'est pas mal, quand même. Sachant que dans les autres albums, il y avait Satanic Surfer que j'ai mis 3 semaines à écouter. C'est bon. Bon, ben voilà. Oui, voilà. C'est juste pour ça, en fait, que tu dis ne. Exactement. De si ne j'avais pas tout écouté rigueur. Depuis le début, je serais intolérant, voilà. Intransigeant. Ce sera bel en. En filouché. Tout à fait. Parce que j'aime bien ça. Donc, Satanic Surfer, groupe de skate punk mélodique à roulette. Californien. Pardon ? Californien. Exactement. Je ne sais plus combien de thèmes album, mais beaucoup. Ouais, c'est tout vite, je crois. Ouais, qui a été très, très, j'allais dire efficace, mais non. Très productif. Non, très présent dans les années 90, qui a eu un long moment. D'arrêt, de pause, ouais. Et qui s'est reformé en 2004, je crois. Et donc, bah, ce dernier album, moi, je l'ai trouvé fort sympathique. Je l'ai écouté ce matin. Et à la hâte. Et j'ai, on ouais, accélérait. Exact. Alors, tu veux que je te dise ce qui s'est passé, en vrai ? C'est en déposant la voiture au garage, je suis rentré à pied de Peugeot à chez moi. Je l'ai écouté à ce moment-là, parce que... Et un peu après, parce que oui. Je marche vite. Donc, mais... Ouais. J'ai écouté à ce moment-là un petit peu... Ah oui, non. Non, bah, t'aurais pu me le dire, j'aurais pu te ramener. Non, mais j'aime bien marcher, moi. Non, mais on aurait mis Satanic Surfer ouais, dans le véhicule. Ouais, donc non, j'ai trouvé ça très sympa. Je pense que j'irai écouter d'autres trucs, parce que c'est le genre de groupe qui passe très très bien tout le temps, sans... Voilà, c'est une écoute très agréable, facile, et... Est-ce que t'as été jusqu'au bout de l'album ? Oui. Est-ce que t'as entendu ce que je te parlais la semaine dernière, sur le truc sur Scooby-Doo ? Ah oui, je l'ai alors, entendu, oui. Ouais. Donc il y a bien un truc avec Scooby-Doo. C'est ça, oui. J'ai pas halluciné. Et non, mais en plus, la chanson, je l'ai écoutée 2 fois et je l'avais pas entendue la première fois. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, je l'ai eu comme un truc un peu à la noix, il fallait que je passe chanson par chanson. Donc, Mais bref, non, moi j'ai bien aimé. Et toi, qu'en as-tu pensé de ce petit groupe? Bah, je trouve qu'ils ont tenté des trucs. Alors, sur les deux premiers morceaux, j'ai trouvé ça un peu trop. Trop punk skate? Non, trop. Ils ont voulu trop tenter. Tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, musicalement. Ils sont trop perdus? Ouais, ils sont trop lâchés, puis ils ont essayé. Voilà. Et du coup, ça m'a un peu largué dans mon écoute. Quoi. Ouais. Je suis oh putain, Satanic Surfer, je connais d'avant. Des années 90, hein, 94, 15, 16, où j'écoutais pas mal de punk à roulette. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font quoi. Et ils sont revenus quand même au fur et à mesure de l'album sur un punk, un skate punk un peu plus. Classique, on va dire, ouais. Mais tout aussi efficace, forcément. Moi, je trouve qu'il y avait quelques petites touches et vite de temps en temps. Ouais, c'est ça, ils ont tenté des trucs. Mais ouais. Alors, au début, vraiment, ils se sont un peu plantés. Enfin, pour ma part, ils se sont plantés. D'accord. Sur les deux premiers morceaux, après, je m'en rappelle pas trop, j'étais en train de repasser en plus quand j'écoutais cet album-là. Mais ouais, d'accord. Ouais. Je me suis même arrêté. Je fais, ok, ouais, d'accord. T'as été moins emballé que moi quand même. Après c'est toujours aussi efficace, mais bon tu vois que les mecs essayent des trucs en se disant peut-être que je sais pas, on vieillit, il faudrait essayer de voir faire d'autres trucs machin. Ouais, mais tenter des choses, c'est pas... Après c'est si le résultat est pas te plaît pas. Mais... Ouais, mais bon, il peut aussi ne pas plaire avant d'enregistrer, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est ce que je veux dire. Oui. Oui, mais ça, bon, après malheureusement. Non mais voilà. Non mais ça arrive à beaucoup de groupes, ça. Ouais, c'est vrai. Le truc arrive dans tes oreilles, tu fais oh dis donc. Tu vois? Ouais. Est-ce que c'est trop tard, on en a vendu. Non, ils sont partis. On en a mis sous presse, vendu peut-être pas. Mais... Oui, non, mais voilà. Enfin, pour ma part, c'est ça. Ouais. Ils ont trop tenté et. Ce que j'en retirerais de cet album-là. Bah, moi, de mon côté, je recommande ce dernier album dont j'ai oublié le nom. Je vais vous le retrouver. Bon, on le trouve sur les plateformes. Je sais pas, j'ai pas vu en fait. Parce que moi, je. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. L'album Back From Hell. Donc je ne sais pas. Alors, on mettra en lien ce qu'on sort, s'il est sorti ou pas, parce que je n'ai pas du tout été voir. Mais en tout cas, voilà, moi, je recommande. Bob n'a pas trop aimé leur tentative de choses. Voilà. Voilà. Très bien. J'ai préféré le dernier Mélancoline à l'arrivée. Parce que, oui, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Et ben, du coup, il faudrait que j'aille l'écouter pour voir. Donc, je vais le noter. Écoute, d'accord. De la semaine prochaine. Alors, Mélan... Mélancoline. D'ailleurs, le groupe que tu as mis... Amy. Ah, quoi, pardon. Amy. L-L-E-N. M-L-E... Mélancoline. Mélan... Mélan Colin. Voilà, Colin. Colin. Comme le... Col poisson. Le poisson. Mélan... Des, des yeux... Le groupe que tu as mis en recommandation de la semaine précédente... Qu'était-ce avec la fille à moitié nue Ride the Sun. Ils ont sorti ou ils sortent un autre album? Oui. D'accord. Bah, j'ai eu le chanteur qui m'a envoyé un message justement pour me dire qu'il sort un album. D'accord. Oui, parce que je leur ai écrit pour leur demander si on pouvait encore trouver leur album, leur premier album en version physique. D'accord. Et le chanteur m'a gentiment répondu qu'il ne pouvait pas, parce que c'était un groupe à petit budget. D'accord. Et qu'il ne pouvait pas remettre en presse le premier album. Aïe. Donc du coup, il m'a dit gentiment, mais t'inquiète pas, Ambre, on ressort un deuxième album. Voilà. Et on ressort bientôt un deuxième album. Enfin, on sort bientôt un deuxième album. Et voilà. Parce qu'il est dans les pubs de Rockhard. C'est là où je l'ai vu. Peut-être dans les petits encarts qu'il y a... Il est sur Bandcamp. Mais après, on peut avoir l'album Ride the Sun sur Bandcamp, sur pas mal de trucs. Ouais, de ce côté. Bah oui, d'accord. Très bien. Et moi, du coup, j'ai Bandcamp, donc je peux l'écouter. Enfin, après, tu l'écoutes sur... Ah oui, Bandcamp, c'est pas toujours illimité, l'écoute. Hein. Non. Donc, mais par contre, oui, tu rack pour... Ouais, tu t'achètes la web, enfin, comme tu t'achètes un album. Mais si tu le trouves pas, je me demande si on le trouve sur Spotify. Je suis pas sûr. Et j'ai pas été voir du tout. Ouais, et j'ai même pas été écouter ta reco. Ah, je m'excuse. Celle de cette semaine? Ah, celle de cette semaine? Ah bah non plus, aucune pour l'instant. Ah super, c'est sympa. Mais je me casse. Non mais attends, je vais le faire. Bah, tu veux que je te dise quoi? Que je te montre en te disant j'aime beaucoup ce que tu fais? Porte qui claque, mais elle claque pas. Non mais t'as écouté les miennes? Ouais. Toutes? Je veux dire, t'as été voir? Tu en veux de la bière? Ouais. Non mais t'as été voir l'épisode YouTube là? L'épisode YouTube. L'épisode YouTube. J'ai mis un truc sur YouTube sur Metallica et la bière. Ah non, bah non, mais attends, ça dure quoi ça... Ah bah, non, en plus, ce truc-là, j'avais commencé à le regarder. Ah, et tu l'as pas parce que Non, j'ai pas été voir en entier. Ah ouais, donc tu vois. Avant que tu le recommandes. Alors, tu peux parler, quoi. Ah, tu veux qu'on règle nos comptes ? Bagarre ? Peut-être. Non, parce qu'en fait, justement, moi, j'ai mis ce truc-là parce qu'il y avait un truc pour toi dedans. Non, mais je vais le regarder. Il parle de la bière. Je joue 3 heures par semaine à God of War. Alors, tu crois que le temps de tout faire, monsieur ? Il parle des bières de mastodonte. Il y a des bières de mastodonte. Mastodonte. Oui, ils ont sorti 3 bières. Mais je m'en fous. Je connais pas trop, en plus, le groupe mastodonte. Mastodonte. Ah, tu veux jouer à ça ? Bagarre. Je rentrerai pas dans ton jeu. Très bien. J'irai. Attends, je marque album à écouter. Les recos de Bob. T'as été écouter Full Throttle Baby ? Non, non plus. Mais il passe au Metal Corner. Mais je m'excuse. Faut y aller. Au moins, ça, il passe au Metal Corner. Au moins, écoute ce groupe-là. D'accord. Bah non, mais non, mais non, mais ça, je... Non, mais moi, je vais faire pareil. Je vais écouter mes recommandations. Alors, en fait, ce qui est marrant, est-ce que vous savez pas, vous qui écoutez encore le podcast. Vous écoutez encore, hein. C'est qu'on se parle pas des recommandations avant, en fait. Chacun découvre celle de l'autre. Donc, y a pas d'échange. On fait pas de soirée ensemble pour se dire, écoute, je vais mettre ça la semaine prochaine. Donc, voilà. Par exemple, j'ai mis Allié, parce que, voilà, comme je l'ai marqué, c'est un pote à la machine. Bah, Allié, oui, forcément, je connais. Parce que... Bah, oui, il y a plein de raisons qui font voilà. Que tu peux connaître, mais ça fait du bien d'en réécouter. Hein. C'est pas faux. Donc, dans les autres albums, nous avions donc Crisis que nous reportons à la semaine prochaine. Voilà. Donc, ça va bien, ça en fait plein mal. Et l'album acoustique de Lophophora, qui a été une très, très grosse surprise de ma semaine. Alors, faut savoir, moi, je vais parler d'abord pour ma part. J'ai jamais été un grand fan de Lophophora. C'était. Ça rentrait pas dans ce que j'aimais. Je trouvais ça soit trop violent, soit trop énervé, soit trop en colère, mais ça n'allait pas dans les critères à l'époque où j'aurais pu l'écouter, que j'aimais bien, et je n'ai jamais remordu dessus depuis. Et j'ai pris cet album acoustique comme un test de quelque chose, en fait. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont repris des chansons à eux ? Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose ? Et en fait, non, ce sont que des chansons originales, composées spécialement pour l'acoustique, et j'ai pris une grosse claque en fait parce que j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper bien. La voix de Renaud se pose super bien, elle est bien en phase avec les musiques qui sont ni trop recherchées ni trop simples, qui sont un mélange fort agréable. Les textes sont plutôt intéressants et pas comme certaines chansons énervées qu'ils ont pu faire. Elles sont dans l'esprit, mais en étant un petit peu pensé dans le fait qu'on allait comprendre ce qu'il allait dire. Donc, J'ai beaucoup aimé cet album et j'étais assez surpris, ce qui m'a même d'ailleurs poussé après à réécouter d'anciens Lophophora, donc plus énervé. Et je me suis trouvé quelques... T'as écouté lesquels ? Alors attends, je vais te dire le nom parce que je ne voudrais pas dire... Parce que si t'as aimé cet album-là, je pense que pour recommencer Lophophora, je te conseille largement Le Fond et la Forme. Bah oui, j'ai écouté cette chanson qui était sur L'Épreuve du Contraire. Non, Le Fond et la Forme, j'ai écouté. L'album ouais. Entier. Bah, j'ai écouté une bonne partie. Ouais. Pour moi, c'est un des meilleurs qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Parce que super bien écrit, parce que ouais. Je trouve que l'écriture de... je sais pas si c'est Renaud qui... Si, c'est lui, ouais. Qui écrit tout, mais... Ouais. En plus, il écrit sur les musiques, en fait. Il attend d'avoir les chansons. Même là, pour cet album-là, il attendait d'avoir les musiques. Il a besoin de ça pour écrire. Parce que j'ai lu une interview qui était sur... Ouais. Dans le Rock Hard. Après, il y a des chansons comme, par exemple, Buvez du cul. Bon, bah, voilà, je décroche un peu sur les paroles, même si... C'est comme certains épisodes de South Park. Hein. Oui, voilà. non, mais donc du coup, non, j'ai trouvé que c'était un fort bon album et que ça... Il chantait plutôt vachement bien, quoi. Mmh. Et vous-même ? Bah, pareil, j'ai été assez surpris, du coup, par un album acoustique, tout acoustique, forcément. Tout se marie bien, les paroles, tout. Musicalement, ça reste assez rock tout en étant cool. Non, c'est un très bon album pour ma part, de ce que j'ai écouté. C'est passé comme une lettre à la poste, comme dirait l'autre. Très bonne écoute, agréable. J'ajouterais en plus que c'est assez couillu de faire ça, je trouve, quelque part. Ouais, bah en même temps, ça m'étonne pas. Moi, c'est ce qu'il dit dans les interviews. En même temps, les gens ils s'attendent à ce qu'on fasse un truc, nous on va faire autre chose, on s'en fout. Voilà. Non, mais complètement. Mais ils étaient pas obligés, quoi. Donc ça dénote vraiment une envie de plus de le faire pour voir. Pour ouais, puis ça, aussi, se refaire un petit album en plus, voilà, je trouve que c'est intéressant. Pour les fans de Lofo, je pense qu'ils vont pas être perturbés. Hein. Ils auraient pu justement faire une chanson. sais, juste oui, juste une chanson dans un album voilà. Énervé. Alors que là, non, ils ont vraiment fait le tout jusqu'au bout. C'est ça, je trouve ça couillu comme film, voilà, quoi, et plutôt bien chiadé, parce que... C'est ça, ils auraient cool. Pu se rater, en plus, et non, et au final, c'est vraiment, voilà. Une très très bonne surprise. Bah, c'est des bons icônes. C'est vrai. Voilà. Et donc, pour la semaine prochaine, ce que je te propose en album, donc le nouveau Skindred. Ben ouais. Donc, Mélancoline pour ma part, Terreco, Crisis pour ta part. Terreco. Oui. Et j'ai aussi marqué le nouveau Tesseract, parce que tu avais chroniqué Tesseract cette année. Oui. Tu t'en souviens? Et tu n'avais pas aimé. C'était un grand moment. Oui, tu n'avais pas aimé. Moi, j'avais été beaucoup plus... j'avais beaucoup plus apprécié le groupe. Mais à l'époque, c'était aussi où tu n'allais pas forcément plus loin. Donc, ah, c'était cette époque-là? Je pense, oui. Ah là là, bah tiens, j'ai encore des cicatrices. Je me suis flagellé. Non, mais tu te rappelles pas, il suffisait qu'un ou deux morceaux t'arrêtent et que tu dises « Oh, que diable !» Diantre. Et tu t'arrêtais. Ah, alors que maintenant, tu t'arrêtes un peu moins. C'est vrai. Donc, mais ça, c'est le conte familial, hein, mon pote. Hein. Mais depuis le début, ça change la vie. Depuis le début, je le dis. Compte familial pour tout le monde. Allez, c'est moi qui régale, c'est bon. Ça me fait plaisir. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne idée d'aller écouter ce nouveau Tesseract, d'en parler. Donc voilà pour les groupes, les news sont finies. On va passer aux chroniques. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux pas commencer? Ça fait déjà 46 minutes. On prend notre temps cette semaine, apparemment. Si, j'ai revu, je sais pas si on peut en parler tout de suite, mais j'ai cru voir tout à l'heure que le bal des enragés partait en tournée. Tu peux tout à fait en parler tout de suite. Après, à voir. J'ai juste vu ça vite fait tout à l'heure. Donc après, on verra la semaine prochaine. D'ailleurs, autre news liée, on n'a toujours pas de nouvelles de l'annulation d'Electric Marie à The Seven Seconds. C'est vrai. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? C'est bizarre, quoi. C'est vrai, c'est assez bizarre. Parce que autant il peut peut-être y avoir mal done sur Seven Seconds, même s'ils ont dit qu'ils arrêtaient. Et sur Electric Marie qui a bien précisé, on arrête tous les concerts. Mais ça fait un moment en plus, quoi. Mais c'est pour ça, on verra. Il y a eu des questionnements. Alex, il aurait peut-être pu éventuellement. Faut vraiment qu'on rentre en contact avec Alex. Hein. Moi, je pense qu'on peut échanger des trucs. Hein. Tu crois? Ben ouais, je pense. Faudrait essayer. C'est toi le mec du contact en plus. Ouais. Moi, j'ai remarqué. Bah, ouais, bah, écoute, ça te réussit plutôt pas mal. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, après, ouais. Ça me retire une épine longue comme une lance du pied. Ouais. Ah, je peux à nouveau marcher, dis donc. J'hésite. Donc, qui commence les chroniques? Les crocros, les niniques, les chroniques. Chronique. C'est donc toi qui t'y lance? C'est toi qui t'y colle? Bah, j'ai vu Groupe de Bob. Ouais, c'est toi. Stray from the Path. Yeah! Attends que je retrouve qu'est-ce que j'ai écrit. C'est pour moi, ça! Ah bon, écoute, moi j'ai trouvé ça sympa. Ouais, mais c'est pour la bagarre. Ah ouais, la bagarre, avec les pecs et tout. Ah bah tiens. Putain, trop bien, les tawages, le bonnet avec la calvitie qui cache. Les tawages. Oh merde. Quoi? Les bonnets, pourquoi? Pour la calvitie qui cache. Tu me piques mes vannes, putain. Bah ouais, en même temps, tout le monde l'a vu. Elle était drôle en même temps, celle-là. Bah bien sûr. Les tawages sous le pantalon. Alors, Stray from the Path, un groupe américain de metal. Ah mais moi le pantalon, ouais, ça peut me faire une saison ou deux, hein, voilà, y a pas de problème. On verra l'année prochaine. Donc, groupe américain de metalcore formé en 2001, originaire de Long Island à New York. Ils ont 6 albums à leur actif. Ils passent en main stage 2. J'ai pas mis le jour, tiens. Il passe dimanche à 11h40 jusqu'à midi 10. Est-ce que tu veux que je te dise face à qui? Face à la mer, non. Peut-être s'ils ont fait des... s'ils ont aménagé le... comme non. Dans The Grudge 2. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, face à Crisis et Lucifer. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Aïe. Qui fait ouais. Oh là là, caca, boudin. Ouais. En écoutant. Oui. Parce que j'ai écouté en chroniquant. Et du coup. Tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Tu l'as dit. Enfin, tout à l'heure, il y a un moment. Ouais, d'accord. Ouais. Le mec, il a une semaine et demie pour écouter, il écoute que tout à l'heure. Non, j'ai écouté dès le départ. Le conte familial, mec. Ça Donc voilà, ça tabasse, ça chante fort. Un chant se rapprochant de temps à autre du chant de Zach De La Rocca. Et aussi, pour certaines lignes de guitare, se rapproche pas mal de Tom Morello, que j'ai. Une espèce d'originalité guitaristique. Mm-hmm. C'est assez riche musicalement. Ouais. Ça va jumper, être bangé. En gros, ça va chier. Ça va donner des coups de coude, hein, je pense. Je pense aussi, ouais. Peut-être des coups de pied en l'air. C'est possible, ouais. Donc voilà, j'ai pas écrit plus parce que pas à écrire plus. Parce que mon quota de mots, je le décide de moi-même. Voilà, exactement. De toute façon, je suis pas payé aux mots. C'est vrai. Hein ? Non, je ne la ferai pas. Et non, j'ai bien aimé ce que j'ai écouté. Ouais. Ouais, ça envoie dans ta gueule. Moi, ça me met en colère. Moi, je pense que j'ai... Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je mets l'autoradio. Bagarre ! Et ouais. Je me dis, ça veut pas, ça. Ah, bah, avec la fenêtre ouverte de 3 cm, comme ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as ? T'as de la chance. Parce que j'aime bien ce morceau et je préfère l'écouter que de te péter les gueules. Ouais, voilà. Non, j'ai trouvé ça super bien. En plus, j'avais écouté, justement, en ayant regardé des clips de Get the Shot, et en fait, ils doivent être dans la même maison de disques et tout, parce que ça enchaînait sur des morceaux de Chef of the Pass. Tu vois la maison de disques ? C'est important. J'ai pas dit que ça l'était pas, justement. Ouais, la voix du chanteur, tout ça, on est d'accord, t'as des fois raison. Exact. Donc oui, non, j'ai beaucoup aimé aussi. Tu peux pas t'empêcher en écoutant de... Non, tu peux pas, de bouger la tête, comme ça. De bouger la tête, et d'avoir envie de bagarre. Ouais, pour ça, moi j'avais pas des envies de bagarre en écoutant. J'étais dans ma voiture en Clio. C'est vrai que c'est impressionnant. Ah bah, je peux avoir que envie de bagarre en Clio. Bah, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, t'as vachement envie de bagarre. Mais parce que en Ed Bread, Mad Bull, je me trouve, il y a que des groupes comme ça qui poussent. Tu vas t'apaiser après le Hellfest, hein, peut-être. Bah, je pense. Bah, écoute, il y a des fortes chances. Si t'y vas. Par contre, du coup, en main stage, c'est un peu décevant. Mais à ce temps-là, ça va le faire encore. C'est le matin ? Ouais, c'est jouable. Ouais, mais on profite moins, je trouve. Ça va réveiller, moi. Je pense que ça peut réveiller un bon paquet de monde. Ouais. Par contre, comme ils sont face à Crisis. Mmh. En même temps, le matin, c'est là où tu peux faire moite-moite. Hein, donc, L'avantage, c'est que t'as pas trop de monde. Donc, ouais, tu peux rapidement passer de l'un à l'autre. Ouais. Et donc, de l'autre à l'un. Mais Crisis doit passer sous Altar ou Temple. Ouais. Donc, ça va être. Ouais. Voilà. Bah, écoute, d'accord, très bien. Donc, tu recommandes. Oui, plus. D'ailleurs, est-ce que ça fait partie... Est-ce que tu as écouté... Parce que j'ai même pas posé la question, mais as-tu écouté des bonnes choses cette semaine ? Là, du coup, je te dis, j'ai écouté un morceau de Clutch tout à l'heure, le dernier Orange Goblin. Non, mais oui, d'accord, mais des trucs dans tes chroniques. Ah, dans mes chroniques, ouais. Non, franchement, d'accord. Je suis assez satisfait de mon piochage. Ah, bah ouais. Ouais, ça va. Moi, t'as au moins deux groupes ou... ça l'a pas fait du tout, moi, non. Dans tes tiens. Ouais, non, je pense savoir lesquels à peu près. Bon, on verra. Alors, je vais passer à mon premier groupe. Mais avant ça, j'ai un avant-propos. Je présente toutes mes excuses à l'Islande, aux Islandais et à tous les amateurs d'accent ou de prononciation correcte. Solstafir, qui est mon premier groupe, est un groupe de post-metal islandais formé en 1995 par trois amis, Adi, Oli et Aldor. Ouais, j'ai même pas essayé de prononcer leur nom. L'islandais a l'air encore plus compliqué à prononcer que le norvégien, donc je m'arrête à ça. Donc 1995, première démo, puis seconde, qui sortira sous la forme d'un EP, parce que signature chez We've Beyond Record, puis redémo, puis re-EP. Quelque part dans tout ça, Aldor, le bassiste, est parti, remplacé par Zwabi. Ou Zwabi. Ouais, Zwabi, c'est mieux. 1999, studio pour le premier album qui ne sortira qu'en 2002. In Blood and Spirit. Comme le groupe commence à tourner au pays, il recrute Pjudi à la seconde guitare. Pas évident quand même, son nom. Oui. Du coup, nouvelle démo qui sortira sous le titre Black Death, dit EP. Compliqué tout ça. Surtout quand tu arrives à nouvelle démo qui s'appelle The EP. Oui. Voilà, bon. Alors, mais c'est bon. En 2004, le groupe qui commence à se faire connaître sur la scène européenne démarche les labels à coup de trois titres envoyés de ci, de là, à différentes sociétés de production et commence leur premier concert hors Islande. Il a fait le geste en même temps. Oui, je sais. Je parle des mains. Et enfin, de signer Spike Farm Records, un sous-label de Spine Farm Records. 2005. Tout à fait. Quoi ? 2005, second album, Masterfi... Bois un coup. Je vais boire un coup. Tiens, vas-y, allez. Allez, tiens. Ça, c'est pas bon, ça. Pour réussir les podcasts, faut pas boire. 2005, second album, Masterpiece of Bitterness, qui est plutôt bien accueilli par la critique et que j'ai écouté. Première chanson qui dure 20 minutes, de quoi vous calmer un homme. Ah bah, ça va. C'est celle que je t'ai fait écouter. Ouais. 2007, un petit tour du côté de Göteborg en Suède pour enregistrer le troisième album. Cold Cold, dont la sortie sera en 2009, lui aussi également bien accueilli par la critique, et c'est le début des tournées européennes. Et tout de suite, quand j'en suis arrivé là, je me suis dit, plus je lis de bio de groupe, plus je vois ça comme des trophées de PlayStation. Trophée, votre premier EP. Trophée, salué par la critique. Trophée, c'est la tournée européenne. Le 14 octobre 2011 sort le quatrième album du groupe, Svartir. J'ai jamais eu ce trophée-là. J'ai jamais eu ces... Enfin, en même temps, je joue jamais. C'est pour ça que je... je les ai pas eu non plus, mais c'est... j'ai l'impression que ça fait toujours la même chose. Hey, une tournée européenne. Yeah, ils ont oui, les mêmes étapes. Vrai, ouais. 14 octobre 2011 sort le quatrième album du groupe Svartir Zandar. Devine quoi, trophée meilleure vente de la chanson Vjara dans un classement islandais et le trophée meilleur album heavy de l'année pour le journal islandais Morgunblaðið, ou ce qu'on appelle une doublette. Oui. En 2014, sortie du cinquième album Ota. Pas de blague, non, rien. Et le 3 juin 2015, c'est le drame. Oli annonce son éviction du groupe à la suite d'importants conflits internes. Aïe, aïe. Ça, ça ouais. pue en général. Non, là, ça devait être à base de tweetos et de Twitter. Oh là là, attention les gars. Ah, ouais. Ah non, c'était moche. Ah, le groupe n'a pas commenté sur le moment. Par contre, en 2017, suite à la sortie du dernier album en date, Berdremin, mes excuses à toutes les victimes de ma prononciation, j'ai lu une interview dans Rockard où justement le groupe s'explique enfin, blablabla, deux versions, blablabla, pas rentrer dans le débat, blablabla, j'ai rien à dire, je meuble. Et c'est une des premières fois que j'ai entendu parler du groupe, en fait. C'est, ouais, non, c'est étonnamment, j'ai entendu parler du groupe à cause de ça, moi. D'accord. Solstafir est différent. Ça, c'est ce que j'ai pu lire sur leur page Facebook, et c'est le point très important parce que, effectivement, il y a énormément de choses dans Solstafir, ça couvre un éventail de trucs hyper large. Ouais. Et comme je l'avais marqué dans mon post sur Facebook, j'ai avoir 75 fois changé d'avis sur le groupe, je trouve que ce qu'ils vont avoir marqué là sur leur propre page Facebook résume totalement ce que je pense. Solstafir est différent. Leur mélange unique de métal avec de jolies mélodies, de moments psychédéliques et un fort courant classique hard est aussi varié et parfois bizarre que les paysages de leur Islande natale. Voilà, et comme c'est exactement ce que je pense de la musique du groupe, bah j'ai rien de plus à en dire parce que c'est. J'ai vraiment. Alors j'ai beaucoup aimé ce que j'ai écouté, même la chanson de 20 minutes, elle m'a vraiment. Elle m'a plu parce qu'elle passe par plein de trucs. Tu vas jusqu'au bout où ils reprennent les mêmes 3-4 notes musicales, mais en changeant tous les motifs autour, quoi. Ça commence calmement, après ça s'énerve un peu sur la fin, mais il y a plein de trucs. C'est pas 20 minutes chiantes, quoi. Ils ont aussi beaucoup de morceaux qui sont assez longs, à démarrer surtout, mais à chaque fois, ça propose quelque chose d'intéressant et de différent. Des fois, ils sont assez énervés, des fois un peu moins, mais c'est vraiment... J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et j'ai un peu balayé tous les albums et j'ai un peu aimé tout ce que j'ai entendu, quoi. Mm-hmm. Donc, alors qu'à première, je voyais le groupe comme étant un truc de... un peu de black metal, parce que j'avais dû tomber sur des mauvais titres à l'époque de l'interview, et je n'avais pas été plus loin. Et en fait, c'est un groupe qui n'a pas vraiment de case ou de style arrêté, quoi. Ils vont là où ils vont. Ouais, ils font leur truc, quoi. Bah, c'est en même temps, ils ont raison, les gars. Ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'est dur j'avais vraiment envie d'essayer de trouver comment mettre des mots sur ce que je ressentais, mais c'est vachement large. Mmh. Et j'ai un autre groupe qui m'a fait un peu la même chose tout à l'heure. Voilà pour ce que j'ai à en dire. Donc je recommande plus. Écoutez, c'est bien. Ça passera. Tout est aussi planant que. Pas que, non. Non, pas que. Justement, il y a plein de trucs différents. Mmh. Il y a. En même temps, en 20 minutes, c'est normal que tu aies des passages un peu planants. Mais justement, je voulais avoir ton retour là-dessus à toi parce que je me demandais ce que toi, tu penserais de ce genre de morceau. Parce que. Et d'une, c'est long, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de motifs. Ouais. Donc. Ce que j'ai écouté, ça ne m'a pas déplu. J'ai pas dit non, ça me plaît pas, si ça me plaît pas, j'ai pas non plus passé par A plus B égale hypoténuse. Non, c'est pas mal. Est-ce que ça t'a donné envie d'écouter d'autres choses? Du coup, oui. Curieux, par curiosité, voilà. Je te le conseille de tenter, il y a plein de trucs différents. Je cherche un mot, mais je le trouve pas. Par curiosité, ouais. Et donc, Solstafir passera le vendredi sous la Temple de 20h45 à 21h45 face à Hollywood Vampire et Steven Seagal. Ah, choix cornélien. Là, franchement, là, je ne sais pas. Ah, honnêtement, je pense que je serais certainement plutôt ailleurs. En main stage. Oui, je me doute. Bah, c'est pas tous les jours que Johnny vient quand même rendre visite. Bah, c'est donc, ça. Bah oui, donc. Mm. C'est triste. Ou pas. Ou pas. Moi, j'ai envie de te dire que c'est Tetris. Je suis plus Zelda, moi, à la rigueur. Tu vois. Parce que t'es nul à Tetris. Non, quand même. Je crois pas. Mais... Bah, en même temps, vu comment tu fais les Rubik's Cube, je pense que... Alors, hein, moi, quand il s'agit d'empiler des trucs, tu vois... Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, toutes les bières, là, moi, je peux les sortir en une fois. Ah ouais? Non. Je m'en doute bien. Voilà. Plus recommande Sol Staphir, c'est du bien. Eh ben voilà, tu vois, t'aurais fait une chronique comme ça, direct. Ça aurait été plus simple, tu vois. Ouais, on aurait bouclé le truc en... J'aime bien dater. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai fait un autre groupe comme ça, mais pour une autre raison, mais j'ai daté. D'accord. Voilà. Je vous en prie. Je suis pas dans la date. Alors, Black Rainbows, pour ma part. Ouais. Groupe italien de psyché stoner fuzz. Mm-hmm. Avec 7 albums à leur actif. Il passe sous la vallée le samedi de 10h30 à 11h. Énormément influencé par les années 70, hein, le rock, space rock psyché, entre Black Sab, Hawkwind et autres MC5, qui est un peu plus rock, rock, on va dire. Avec des parties musicales très fuzz, ce qui donne un mélange plutôt sympa et assez groovy. Mm-hmm. Tu vois, un peu à la Brand Bjork, Otmos Generator, Yelling Man ou encore Fu Manchu. Que de références. Voilà, que des références. Donc, Black Rainbows, bah, je t'avais dit, hein, j'avais découvert ça par hasard sans savoir qu'il passait au Hellfest. Tout à fait. Et du coup, le fait de savoir qu'il passe au Hellfest a été pour moi plutôt une bonne nouvelle. Une bonne surprise en me disant, hey, c'est cool. La voix du chanteur peut être un petit peu gênante pour certains qui sont pas habitués. Moi, elle me pose pas plus de problèmes que ça. Moi non plus, elle m'a pas choqué du tout. Ça l'a fait. C'est un peu aigu, donc c'est pour ça. T'as pas le côté, tu vois, un peu gras. Voilà. Gras qu'on attend de ce genre de musique. Bah entre le rock psyché et le fuzz, ouais, t'as le côté un peu. Si tu pars du brut, principe quoi. Que Led Zepp a eu un petit côté psyché, c'était plus aigu que ça. Enfin, c'était donc, c'est sûr. Ouais, non, ça m'a pas du tout choqué, moi. Et donc du coup, non, c'est un groupe que j'ai tout de suite accroché. Ouais. Forcément. J'ai commencé, je crois, avec en plus le morceau que j'ai posté. C'est le tout premier morceau que j'ai écouté en me disant, bah, tu sais, groupe similaire, machin, truc. Je fais, ah, tiens, tac, qu'est-ce que c'est que ça? Pof, je fais, ah, bon, bah, ok, adopté. Donc voilà. Que dire? C'est sympa. Ah ouais. C'est un bon groupe, vraiment. C'est tout à fait dans l'esprit. On connaît bien les influences Black Sab, Hawkwind. On connaît bien les influences 70 avec ce mélange fuzz qui est. Qui vient de temps en temps un peu parsemer les morceaux, ouais. Et qui envoie justement qui vient contrebalancer justement ce côté psyché et 70s. Ouais. Donc tu as un côté un peu plus moderne, on va dire, du stoner space rock. Voilà, enfin, c'est un bon mélange et je trouve que c'est un groupe qui marche. Voilà. Et ils ont, je sais pas, pardon, j'ai peut-être pas fait gaffe, ils ont combien d'albums? 7 albums. Et t'as écouté quoi, toi? J'ai dû écouter 3 ou 4 albums, je crois. D'accord. Et à chaque fois, toujours pareil, enfin dans le même idée? Oui, plus ou moins, ouais, ça reste dans l'esprit, ouais. D'accord. Et ils ont des... Non, ça va, ça passe très bien. J'ai bien aimé. Voilà. D'accord. Recommande plus. Bah, j'ai écouté un petit peu les titres que j'avais préparés pour la playlist, moi. Et j'ai bien aimé aussi... ça passe plutôt bien, effectivement, c'est dans l'esprit. T'as dit que ça passait, t'as dit où ça passait ou pas? Ouais, Valais, samedi, 10h30, 11h. Et c'est face à Executor et Voice of Hell, donc les gagnants du tremplin. Mmh. Voilà, j'ai pas de problème de choix. D'accord. Bah, oui. Pour ma part. C'est Executor avec un H. Exact, parce que ça c'est... Non, c'est pas celui-là que j'ai... Si, non, mais non, c'est l'autre. Bah, j'en ai parlé cette semaine. Ah, merde. Tu vois, ouais, on en oublie, sérieux, c'est un truc de. Ah, non, mais je crois que c'est celui-là pourtant. Je vais revenir sur mon cahier, je vais refeuilleter tout. Ouais. Ouais, non, non, oui, non, mais c'est vrai que je partage un petit peu. Je me suis dit que c'était un peu un groupe pour toi quand je l'ai écouté aussi. Ah, tiens! Donc ça allait un peu dans C'est ce que ce j'ai que tu posté. Je fais, tiens, un groupe pour Bob, mais disais. c'est moi, Bob. Ah, bah, du coup, c'est un groupe pour moi. Donc je vais passer à mon deuxième groupe. Bob, mon bro, Oui. est-ce que tu connais la définition d'une traversée du désert? Ça dépend laquelle. Moi, la définition que j'ai trouvée, c'est un moment difficile dans la vie d'un individu. Souvent rapporté à une personne publique qui traverse, qui met beaucoup de temps avant de revenir. On assimile souvent au sexe aussi. Ah bon? Bah, la traversée du désert, oui, c'est quand ça Ah, fait ben, ah non? longtemps. Ah, ça, oui, mais pas forcément pour. Oui, d'accord, mais ça, c'est quand tu es dans un. Non, mais en fait, c'est parce que non. Tu confonds, en fait. C'est le principe que c'est un moment difficile dans la vie d'un individu qui peut se rapporter à plein de choses. Ah oui, non Genre, ça mais fait combien de temps que complètement. t'as pas une copine? Oh, j'ai une longue traversée du désert. Ou un copain. Ou j'ai une longue traversée du désert. Donc, c'est pas forcément par rapport au sexe, ça peut être dans T'as plein de fait trucs. Paris-Dakar? Ah ben non, ça se passe plus dans le désert. Ok. On appelle ça également être fan de A Perfect Circle. J'adore ce moment d'incompréhension. Où veut-il en venir? Pourquoi? Alors, je peux? Why? A Perfect Circle, souvent abrégé APC, est un groupe de rock alternatif états-unien, originaire de Los Angeles en Californie. Formé à l'initiative de Billy Overdale, qui, est, après avoir officié au poste de guitariste dans de nombreux groupes, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses et Tool, par exemple, ambitionne de monter son propre groupe. Il fait écouter quelques démos à Maynard James Keenan, chanteur de Tool, qui trouve l'ensemble plutôt sympa et se propose de chanter dessus. Tu dis, ouais, j'aime bien ton truc. Ça te dérange si je chante? Je poserais bien ma voix là. Attends, attends, et tout. Sachant que Billy était plutôt à la recherche d'une voix féminine, il hésite. Bah oui, normal. Le mec hésite mais finit par accepter et se charge de recruter les autres membres de la première mouture de ce nouveau groupe, à savoir Tim Alexander, le batteur de Primus, Ouais. Troy Van Leeuwen de Queen of the Stone Age et la bassiste-violoniste Paz L'Enchantin, future Zouam. Mais j'ai vérifié aucun lien avec Dev. Du côté de chez Zouab. Et en fait, c'est Zouam, c'est l'un des projets de Billy Corgan. Ouais. Et puis, mais Ménard, du coup, t'as pas été faire un tour. non, Ménard, donc encore un homme qui ne doit pas avoir d'abonnement Netflix, vu qu'il fait également partie de Pucifer et qu'il s'occupe de ses vignes entre deux compositions ou participations à des Grand albums. alcoolique. Pardon? Hein? Oui, peut-être aussi. Mais qui n'est encore jamais, qui fait beaucoup de choses, mais qui n'est encore jamais venu dans ce podcast. Mais nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Pour le moment. C'est vrai, pour le ouais, Pour le mais moment. ça va pas tarder. Voilà, on va peut-être un petit peu changer. On va l'avoir un peu mauvaise au bout d'un moment. Alors, en 2000, sortie de Mère de Nom. Oui, c'est fait exprès. Ouais, sortie donc de Mère de Nom, le premier album, qui est donc effectivement repose sur un jeu de mots, Mère de Nom et Merde de Nom. Voilà, c'est voulu. Et direct, c'est le carton. Direct. Carton rouge? Non, le carton, ça Ah se oui, vend le carton par d'accord. brouette, ça se vend Ah ouais. par palette, ça se vend par. Ah, Palette Europe. Ouais, Ils sont bien, bah, ça. c'est les meilleurs. Ouais, Elles sont pas très chères, hein. Tu sais que je peux en avoir. Bon, ok. forcément, quand ce genre de choses arrive, On en qu'est-ce qui se reparlera. passe? Eh ben, ça va. Bah, je sais pas, moi ça m'est jamais arrivé. Mais là, c'est la composition du groupe qui change. Ah merde. Tim Alexander est remplacé par Josh Freese des Vandals. L'Enchantin, parti du côté de chez Swam, est remplacé par Jordi White de chez Manson. Et Lewin, parti chez les Reines de l'Âge de Pierre, est remplacé par James Iha, qui venait de casser des citrouilles. Pourquoi faire? Ce qui il fait partie des Smashing Pumpkins, James Iha. Ouais. C'est-à-dire casser des citrouilles. Ouais, et donc? Et c'est parti pour le second album. 13 Steps, sorti en 2003, et c'est re le carton. Oh merde, Ah ça bah. se vend par brouette, Par. par palette, Alors là, ils sont par passés les à un autre. Europe. Par container. Carrément. Ouais. Moins d'un an Et tu peux en après. avoir ou pas? Tu veux? Moins Tu d'un an après, Emotive, disque de reprise de peux chansons avoir. pour la paix, sort donc en 2004, accompagné d'un CD-DVD appelé Emotion, qui contient des clips, des faces B, des remixes, des paillettes. Sérieux, il y a des paillettes? Je sais pas, mais je trouve ça. Les paillettes. J'aurais trouvé ça hyper stylé. Tu achètes un album, tu joues. Et tu l'ouvres, il y a des paillettes. T'as des paillettes partout. Putain, les cons. C'est génial, ça. C'est un truc à lancer. Ouais, ça serait drôle en même temps. Ultra Vomit, il pourrait faire ça. Ah, il pourrait faire ça, les gars. Tu ouvres ton CD. Putain. Et c'est à partir de là que tu peux prendre ta gourde, mec. Parce que la traversée s'annonce plutôt longue. Entre 2004 et 2008, le groupe est en suspens à cause de l'implication de Ménard dans son tout petit autre groupe, Tool. Ni séparé ni fâché, tout le monde travaille à droite à gauche. Décembre 2008, l'espoir renaît. Une interview de Ménard laisserait entendre que lui et Billy travailleraient sur un nouvel album. En juin 2010, Ménard annonce être en plein boulot pour un LP de A Perfect Circle. À août 2010, Ménard précise plutôt bosser sur des singles, parce que bon, les albums en ce moment, c'est pas ouf. De son côté, Billy, en septembre, explique avoir travaillé sur des morceaux depuis 3 ou 4 ans qu'il a donné à Ménard et qui décidera, lui, de leur avenir. 2011, le groupe travaille sur un nouvel album. Le 29 juin, il joue même une nouvelle chanson, By and Down. Février 2013, Ménard explique de nouveau qu'un album est en suspens. Septembre 2013, alors que c'est la fin de saison pour les bières en terrasse, le groupe annonce 2 compilations pour novembre. Début 2017, une annonce de tournée américaine et une possible sortie prévue entre novembre 2017 et février 2018. Avril 2018, le 20, vendredi de la semaine dernière, Elephant, quatrième album du groupe, est sorti après 14 ans d'attente d'une très longue traversée du désert. Je comprends mieux. Tu vois, c'est pas mal, hein, parce que je suis parti d'un point, j'ai amené le truc et en fait j'ai retourné le machin. Ouais, bah tout ça pour dire une traversée du désert. Ouais. Mais c'est vrai? Yeah, ça fait 14 ans. Bah, c'est long. Bah oui. Entre deux albums. Oui. Si tu retires c'est le comme ta chronique, 15, du coup. 15 si tu retires l'album de reprise. Oui, en plus. Donc, ouais. Une longue traversée du désert. Donc, j'étais un petit peu embêté, moi, avec le groupe, parce que j'adore Perfect Circle. Je l'ai déjà dit. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à définir ce qu'ils font. Eux, ils sont considérés comme alternative rock, alternative metal, ce qui est un petit peu là-dedans où tu mets tout le fourre-tout que tu ne sais pas trop où foutre. Ouais, c'est ça. Il y a autant de groupes mainstream que de groupes un peu entre deux. Mmh. Et du coup, par moments, A Perfect Circle, qui moi pour moi est plus une variante d'ambiance et qui me rappelle un petit peu par certains côtés Solstafir, mais pas... Solstafir est moins mainstream, eux, ils sont beaucoup plus un peu formatés radio, mais dans le bon côté. Pas dans le bon sens, pas dans le côté vraiment fait que pour à la Bon Jovi par exemple. Oui. Ils sont voilà, il y a un vrai truc, mais c'est plus passe-partout. Ce dernier album, je l'ai écouté dès vendredi dès la sortie et j'ai arrêté avant la fin parce que j'étais au taf et en fait j'étais en train de me rendre compte que j'avais du mal à apprécier l'album et que je passais à côté de quelque chose en fait. Il passait trop comme ça. Parce que celui-là, il est encore plus dans je pose une ambiance et je t'emmène quelque part et tu acceptes ce que je te donne, tu le prends ou tu le prends pas, mais il y a beaucoup moins de hits que par exemple dans le premier album et dans le second qui commençait déjà à prendre une variante un peu ambiance comme ça. Ça a toujours plané sur A Perfect Circle, mais plus ça allait, plus c'était ça quoi. Genre dans l'album de reprise, t'as une reprise d'Imagine qui est vraiment ils ont cassé le mythe d'Imagine pour faire une version un peu triste, dépressive, mais qui marche vraiment bien en fait. Moi j'aime beaucoup cette version d'Imagine. Et là, dans ce nouvel album, il y a beaucoup de chansons un petit peu comme ça, un petit peu... Il y a une espèce de mélancolie qui règne dans les chansons de Perfect Circle, et là, c'est un peu plus poussé. Du coup, j'ai un petit peu de mal à définir l'ensemble du groupe, à part que je pense que c'est, pour moi, une très bonne introduction au rock, metal, gentil, en fait, parce que t'as un peu de tout dedans. Mm-hmm. C'est très facile d'écoute. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas du metal et qui disent « Eh, mais écoute ça, tu vas voir !» Parce que ça a vraiment pas de... T'as pas les éléments métal comme on peut écouter nous. Ouais. Ça passe beaucoup plus facilement. Mais il y a quand même un vrai truc. Moi, musicalement, ça me parle. Toi, je sais que t'avais pas accroché à ce que t'avais écouté. Le premier album, tout du moins. C'était un petit peu trop, bah, peut-être gentil pour toi ou... Je sais pas. J'irai revoir, j'irai réécouter pour voir si... Voilà, il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Après je sais que moi... Si ça colle pas, ça va pas coller, c'est tout. Ouais, moi je les avais vus en concert à Paris en première partie de Deftones et tu vois Ménard était dans une espèce de carré avec des draps, il enlevait les draps au début donc ça commençait avec des jeux de lumière sur lui qui était derrière en train de, parce que c'est un vrai personnage quoi. Mmh. Tu l'as observé avec Lucifer et son masque de luchador ouais. Et t'avais pas trop kiffé le concert alors que moi j'avais adoré. Bah, à chaque fois, lui, il donne une prestation qui est un petit peu comme ça, très personnelle. Et du coup, ça va avec la musique du groupe, quoi. Du coup, je suis pas encore fan du dernier album. J'ai écouté beaucoup de choses qui me plaisaient. Étonnamment, les singles que j'avais écoutés en dehors m'avaient moins plu que maintenant. Tu vois, maintenant, dans l'album, dans la continuité, j'ai plus aimé ce que j'ai entendu. Je reviendrai juste sur un point. C'est dans la grosse interview du groupe qu'il y a dans le Rockart de ce mois-ci, on apprend pas mal de choses sur la manière dont ils composent. Et en gros, Billy balance les zik à Ménard, et c'est lui qui va donner une certaine dimension un petit peu au titre, sans pour autant que Billy vienne négocier là-dessus, en fait. Parce que Billy envoie limite des démos avec une partie chantée dessus pour dire, voilà, je voyais bien ça comme ligne de chant. Et Ménard dit, bah non, je vais faire autrement, tu vois. C'est le projet de Billy qui ne se ferait pas sans Ménard, mais c'est un peu Ménard qui va décider, comme un petit peu on l'imagine, prendre part et décisionnel de tout ce qu'il fait, quoi. Voilà, c'est un leader d'une certaine manière. Même si le Perfect Circle, c'est un groupe de deux personnes, les autres sont plus des musiciens qui vont avec eux. Ouais. Voilà. Moi, en tout cas, dans tout ce que je disais, j'ai ressenti comme ça, parce que Billy n'intervient pas sur les paroles, n'intervient sur rien, et que quand tu vois un petit peu la bio rapide, il est toujours en train un peu d'attendre Ménard. Voilà. Lui, il peut totalement écrire des morceaux et dire, bah, t'es prêt, et tout ça, et en fait, non. Et de ce que tu lis dans l'interview, c'est aussi que cet album-là s'est fait parce qu'ils ont décidé d'une deadline, et que voilà, fallait que ça soit fait, tac, tac, tac. Et 14 ans, c'est bien. Et Oui, c'est sûr. autre question intéressante de l'interview, j'en avais parlé, moi, dans les news, il y a quelques numéros du fait qu'il y a un concert où ils avaient évacué 60 personnes qui photographiaient avec leur téléphone. Donc le journaliste revient là-dessus, et la réponse donc de Billy. Selon Billy, 8 personnes ont bien été sorties de la salle pour avoir filmé alors que c'était interdit, et une trentaine d'autres pour différents motifs, état d'ébriété et comportement dangereux. Pour lui, c'est le prometteur qui a revendiqué les 60 personnes et qui a dû gonfler le chiffre pour faire parler de lui. Billy tient aussi à préciser que leur position sur le sujet est le suivant. Que quelqu'un prenne une photo avec son téléphone sans gêner les autres, ça ne nous pose aucun problème. Je l'ai fait, je comprends qu'on a envie d'avoir un souvenir. Mais filmer en permanence en tenant son téléphone en l'air et empêcher ainsi les autres de profiter du concert, nous n'en voulons pas. Je comprends ça, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé souvent de voir des mecs qui filmaient un truc que déjà tu regarderas jamais. On a eu le cas il n'y a pas longtemps, hein, à Avatar. Hein. Ouais. Et que les mecs ne reverront jamais leur truc. Oui. Et d'ailleurs, en intro de Rockard, il parle d'un mec qui filmait à la tablette. Voilà. Venir voir un concert, c'est une démarche. Nous sommes censés être ensemble et ça ne dure qu'un bref instant. Profitons de ce moment pour entrer en contact les uns avec les autres. Nous ne cherchons pas à dire aux spectateurs ce qu'ils doivent faire, mais il ne me semble pas incompréhensible de demander qu'on suive nos recommandations à nos concerts. Je crois que je m'étais un petit peu énervé au moment de la news en disant que c'était pas bien, machin, enfin que c'était pas forcément cool, même si je pouvais comprendre. C'est vrai que j'aime bien la démarche de se dire, hey! Vous venez à nos concerts, on passe un moment ensemble, passez pas votre temps à filmer, emmerdez les autres, profitez du moment, quoi. J'aime bien. J'ai toujours été dans cette optique. Je fais pas non plus partie des mecs qui shootent à mort pendant un concert quand je suis pas là pour ça. Et même... Eh bien, non, mais j'allais pas te dire. Non, non, non, et même quand je... J'ai bien compris. Et même quand je vais faire des photos à des concerts et que je dois me retrouver dans le public, j'essaye de gêner le moins possible les gens. C'est pas toujours simple, mais voilà. Donc je... Même dans la vie normale, hein, t'essaies de moins gêner les gens. En général, c'est vrai que j'essaie plutôt de pas les gêner. S'ils me parlent, par contre. Mais sinon, voilà. Ouais, bagarre. Bon, 3/4 du temps. Hein. Hellbreed. Enfin voilà, donc j'ai un petit peu de mal à définir le groupe, clairement. J'aime beaucoup, c'est facile d'écoute. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Oui, bah après, faites votre propre opinion. Je recommande plus. C'est tout? Bah non, plus, pardon, excuse-moi, t'as Oui, raison, c'est ça. c'est ça. Qui est un groupe de punk français, d'ailleurs. Ils passeront vendredi en Main Stage 2 à 1h jusqu'à 2h05. Je sais pas s'ils existent encore. Face à Satyricon et Rise Again. Le Massine. J'avais déjà fait. Du coup, je suis un peu embêté parce que j'aimerais bien quand même jeter un œil à Rise Again qui n'était pas venu il y a 2 ans. Donc je serais peut-être un petit peu moult moult vu que j'aime pas trop les main Ouais. stage. Ah, je sais Voilà. pas. Pour ma part, je ne sais pas. Bah toi, tu seras rentré te coucher. Je te merde. Groupe suivant, mon très cher Mangerai Bob. peut-être des cacahuètes. C'est très bon les cacahuètes. Donc, Sons of Otis, groupe canadien. Depuis 92, c'est du slow space rock. Ils ont 5 albums, comprenant en moyenne les albums 7 titres. C'est pas réellement des albums. En moyenne, ils ont 7 titres. Ils passeront sous la vallée le vendredi de 11h40 à 12h10. Veux-tu savoir face à qui? Vas-y, dis-moi qui. Face à The Walking Dead Orchestra et Bukowski. Ouais, ça j'avais vu aussi. Après, le choix reste assez cornélien. Tu te sers de la bière. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait un bruit, ça fait un bruit de mec qui fait pipi. Ah oui, c'est ça. Ouais, fais un coup. Jamais tu sers la bière comme ça. Oh, t'en veux? Bah oui. Du coup. Alors, Sons of Otis, qui d'ailleurs s'appelait à la base Otis. Tout court. Non, mais c'est vrai. Et pour éviter tous les problèmes, ils avaient des problèmes avec les gens. Donc, du coup, ils se sont dit on va s'appeler Sons of Otis, comme ça on va éviter les soucis. Ouais, pour peu que ça monte et que ça descende, ça soit pénible. Voilà. Je l'ai faite celle-là, mais je bon. Sais, bah, j'ai pas ce côté à me dire. Du coup, j'ai pas été recherché s'ils sont des fils d'ascenseur. Bah, je le dirai peut-être la prochaine fois. Oui, vivement. T'as hâte, hein. Bagarre, c'est d'ailleurs. C'est ça. Donc, pour éviter d'avoir des soucis au niveau du nom, sont fait appeler Sons of Otis, mais on remarque bien sur les pochettes d'albums que Otis ressort plus que Sons of. Ça, on le voit bien. Enfin, voilà pour la petite histoire. Pour ma part, comme j'aime à le dire, j'ai un peu eu du mal à écouter tous les morceaux en entier. Ah. Pas pour autant qu'ils soient longs, mais si je ne bougeais pas un peu, genre appuyer sur piste suivante. Non, mais c'est vrai. Je craignais de tomber dans une espèce de léthargie où je me voyais tomber ou plus précisément chuter dans un espace très profond. Et me perdre à jamais. C'est planant. Hein. Ah, mais totalement. Ouais, quoi. Ça m'a fait un peu cette flash. Je crois que j'ai fait comme ça en fait. J'ai arrêté parce que j'ai. Oula. Ah, je zappais les morceaux parce que je me suis dit, putain, je te dis vraiment, je sentais une espèce de. Pas de catatonie, mais de léthargie, tu vois, qui commençait à venir. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand je te demandais si t'étais content de tes choix, parce qu'il y avait il y a deux groupes, donc les deux derniers là où j'ai mal. Après, ça m'a pas dérangé, mais c'est pas de la musique que je. Ça me rebute pas. Non. Mais voilà, c'est ce côté trop. C'est trop planant, quoi. Ah, c'est beaucoup trop planant. C'est pas possible, quoi. Ouais, c'est à se demander. Donc voilà. Donc ça manque un peu d'énergie pour moi, voire même beaucoup. Hein. Alors si vous êtes un peu leftard et que vous aimez les réveils genre énergiques, n'allez pas sous la vallée vendredi de 11h40 à 12h10. Non. Et dans le cas contraire, eh bien, foncez, mais pas trop vite. Ouais, si vous voulez finir la nuit. Ouais, non, c'est. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu. Moi, j'ai pas trop kiffé du coup. Ce que j'ai entendu. En fait, tu peux pas te rappeler des morceaux. Tu peux pas dire j'adore celle-là, elle est trop géniale. Écoute, tu peux pas. Mais c'est vachement dur à partager. T'entends là? C'est le moment où je me suis endormi là. Ouais, carrément ça. Quoi. Ah là, t'as pas besoin de quoi que ce soit pour dormir. Je veux dire, c'est ultra planant. Quoi. Ouais. C'est. Enfin, je sais pas. Il y a une fois, ça m'est arrivé devant Brandbjork. D'être bien, tu vois. Vraiment, parce qu'il. Ouais. Il se lâche sur scène. Il y a des moments où il chante pas. Puis c'est musical. Et, il fait vraiment des trucs très, très chiadés et assez planants. Et du coup, tu te sens un peu partir. Mais alors là, c'est tout le long, en fait. Ouais, mais c'est ça. T'as pas d'énergie. Puis t'as pas de variation ou. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, C'est violent, mais dans l'autre sens, en fait. C'est ça. Ah, bah, d'accord. Bah, ok, est-ce que tu recommandes, du coup? Franchement, ouais, je recommande en plus, mais si passer le soir très tard, tu vois, au Metal Corner, le dernier, tu vois, comme ça, tu dis ah bah je vais faire dodo. Je vais faire dodo. Tu sais, tu viens avec ton pyjama, ta couette, tu suces ton pouce et tu t'installes dans le Metal Corner sur le chapiteau gentiment, tu vois. Et là, tu fais dodo. Ouais. Et il fait quoi? Rien, il vient d'écouter Son of Otis. Ah, c'est Son of Otis. Laissez-le, il est bien. D'accord. Très bien. Bah, du coup, ça me semble bien de parler de mon dernier groupe, de mon avant-dernier groupe, Cocorico. Mais avant tout ça, parlons un peu. Tu veux bien? Parlons peu, mais parlons bien. Bob, tu pars en vacances cet été? Oui. Tu vas où? Ça te regarde pas. Enfin, pas toi, mais... Ça m'arrange pas, parce que je marquais... Non, sérieux, pas mal. Donc... je pars... Je pars en Occipitanie. Non, sérieux? Pas mal. Merci. Moi, je vais aller du côté de Sarlat. Sarlat, la Canéda. Ah, Sarlat. Mais avant ça, je vais faire un petit tour par Toulouse. Ah, Toulouse. La ville rose, sa place du Capitole, Big Flo et Oli, Psycup, présent également cette année. D'ailleurs, j'y pense, le groupe dont je vais parler vient également de Toulouse. Il y a peut-être moyen de faire du covoiturage. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour Psycup. Donc, Plebeian Grandstand, ou la tribune de l'homme du peuple, une traduction fort peu vérifiée, est un groupe d'avant-garde extrême metal qui mélange le hardcore et le black metal. Ou plutôt, qui a commencé comme hardcore extrême avant aujourd'hui d'être devenu totalement un groupe de black. Et qui s'est formé en 2005 à Toulouse. Ah, Toulouse. Et sais-tu ce qui se passe quand tu mélanges deux styles extrêmes? Je sais pas, j'étais pas très bon en physique. Et bien, chimie. Oui, bah, physique, chimie. Oui. Eh bien, tu me perds au détour d'une chanson. Oui, c'est pas faux. Oui. En fait, c'est l'inverse de l'effet qu'a eu sur moi Cataclysme, qui a commencé black pour finir en def, que j'apprécie. Là, c'est pas le même effet, parce que c'est violent, c'est extrême, et malheureusement, pas pour moi. J'ai un peu survolé tous les albums, parce qu'à chaque fois, à un moment, je décrochais. Donc, je changeais d'album. J'ai commencé par le plus récent, False Eye, True Love, clairement black metal, avant de revenir en arrière. Et tu peux noter clairement le moment de la bascule. Genre, ah, hardcore extrême, ah, black metal, d'accord. Même sur le hardcore des débuts était déjà assez extrême. En fait, c'est vraiment du hardcore, c'est au-delà de ce que je pourrais écouter, en fait. D'accord. Là, c'est plus de la bagarre, c'est non merci. j'ai d'ailleurs décroché beaucoup moins sur l'album Oh Hate Is Hard to Define, ou Comment la haine est difficile à définir, un super titre au passage. C'est ma limite. Ce que le groupe propose ensuite, je peux pas en fait. C'est pourtant bien produit dans le style, c'est bien fait. Il y a sûrement un public pour ça, je n'en fais pas partie. C'est tellement violent que le groupe Lucide, sur l'avant-dernier album, Low Gazer, propose même une plage sans musique avec juste du bruit de fond pendant 2 minutes pour reposer l'auditeur. Il y a une chanson qui a un titre et pendant 2 minutes, t'as juste du bruit de fond. Et après, le titre qui suit, ça remet encore du temps à démarrer. Donc je pense que c'est vraiment pour faire une pause. Ça fait 4 chansons qu'on leur remet plein la gueule. Ouais, on prend le temps de se poser un peu. C'est si violent que ça. À l'écoute, je trouve. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pris cette pause de 2 minutes pour me reposer. T'as écouté que ça, d'ailleurs. C'est en boucle. Non, mais en fait, c'est le groupe que j'ai le moins écouté de tous mes groupes, mais j'y suis retourné plusieurs fois en me disant non, mais je. En fait, tu vois, c'est quand j'essayais d'expliquer dans les derniers numéros qu'il y avait des trucs de black metal que j'aimais bien, qui proposaient autre chose, en fait. Ben oui. C'est des. On va dire, ça doit être les variantes ou des sous-genres du black metal qui peuvent m'intéresser, mais là, c'est beaucoup trop black d'un côté. Et leur phase hardcore du début, est déjà un peu trop extrême et laissait déjà présager ce qui arrivait aujourd'hui et que malheureusement ne marche pas sur moi. Après, il y a eu 2 albums de Split, mais pour entendre un mélange avec d'autres groupes, j'ai dit c'est pas pour moi non plus quoi. Oui. Donc Plebeian Grandstand qui passe le dimanche sous la Temple de 11h05 à 11h35 et face à Pogo Car Crash Control et The Raven Edge. Donc je serais plutôt The Raven Edge. Oui. Du coup. Mais je suppose qu'il y a des gens qui sont clients de ça, j'en fais pas partie, donc je peux difficilement avoir un retour intéressant sur le sujet, mais c'est juste pas mon délire. Quoi. Ouais. Voilà. Je comprends. C'est tout pour moi, mec. Ta souffrance. Et moi, je vais donc finir avec Fange. Mm-hmm. Et du coup, là, on peut aussi le dire. Cocorico! Bravo! Hey, je suis fort. Chante le coq. Et donc, qui passeront sous la vallée de 10h30 à 11h. Et je n'ai encore pas marqué le jour. Je suis à la ramasse. C'est vendredi. Et ils seront face à Dracwald, groupe français que j'ai chroniqué la semaine dernière. Et Malmort, autre groupe français. Donc, 3 groupes français. Voilà. Qui vont se tirer la bourre. Ouais, moi je serai devant Dracwald. Donc, groupe de Sludge Noise, de Rennes, en marche depuis 2013, et ils ont 3 albums. Définir Fange, et... Sans faire de roulade. Dans la boue. Par exemple. C'est ça. C'est pas facile, c'est ça que tu vas dire. En fait, si, c'est assez simple. Hein. C'est lourd, crasseux, furieux, oppressant, noisy. Les titres de l'album parlent d'eux-mêmes sur quel genre de musique les membres de Fange nous délectent les esgourdes de leur sludge noise. Pourrissoir, en 2007. Purge, en 2016. C'est et ça, Poisse, oui. En 2015. Autant dire qu'ils ne chôment pas, les petits gars. 2017, 2016, 2015. 3 albums en 3 ans. D'accord. Pour ma part, je suis pas fan de ce style très écorché de sludge, mais un titre, Mâchefer, tiré de l'album Purge, a retenu mon attention. J'y ai décelé une petite pointe de Soylent Green, donc je suis assez friand. C'est vrai, tu l'as déjà dit. En moins speed, mais quand même le côté assez changeant et bien... du coup, ce petit côté écorché de Soylent Green m'a bien plu. Après, voilà, c'est très lourd. Ah, c'est ça, c'est lourd, crasseux. C'est ce côté très... Il y a des morceaux pas mal, quand même. Des petits passages pas mal. Enfin, des morceaux pas mal, non. Mais il y a des petits passages pas mal qui m'ont permis d'aller un peu plus loin dans l'écoute, quand même. Parce que sinon... J'aurais vite laissé tomber si j'avais écouté simplement ce que j'ai entendu de prime abord en me disant ah non, c'est pas pour moi. C'est... Voilà. Bah, moi, ça m'a arrêté. Hein. Ouais. Ouais, j'ai pas pu. Mais c'est, je me posais la question, est-ce que c'était avec toi en 2014 qu'on avait été voir Herder? Comment tu. Non, en 2014, j'y étais pas. T'y étais pas? Parce que j'avais été surpris par ce groupe, mais je me demande si c'était pas avec toi qu'on l'a vu. J'ai des photos de ce groupe-là. Non, par contre, non, mais Fange, moi, j'ai pas... Ouais, non, mais après, parce que bon, je trouvais que ça se rapprochait un peu dans l'esprit très, très écorché, mais c'est pas la même musique. Je pense que Herder est un peu plus speed que Fange est très, très lourd, très, très pesant, tu vois, dans le, très pesant, musicalement. Ouais. Pour ma part, moi, je recommanderais juste en plus pour le côté changeant, vraiment, parce que je pense que sur scène, ça peut peut-être. Tu penses qu'il peut y avoir un truc. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un truc sur scène quand même. D'accord. Alors du coup, je recommande en plus pour ce côté justement. Je me demande même si j'irais pas aller voir. Vu, il passe en même temps que qui. Dracoil des Malmorts, j'ai dit. Je crois. Ouais, donc je sais pas après. Tu vois, franchement, je me tâte. Et puis aussi parce que c'est un groupe français. Voilà. Ouais, non, mais ça, c'est. Au niveau prod, c'est comment? Parce que je me souviens plus trop. Non. Est-ce que c'est dans l'esprit de ce qu'ils font ou pas? Parce que... Ah, c'est. Ouais, c'est vraiment. C'est assez propre quand même, quoi. Ça va. Moi, je sais que c'est de tes 4 groupes, c'est celui que j'avais trop de mal à écouter, quoi. Autant l'autre, il était planant et je me dis c'est pas pour moi, ça plane trop. Ah, celui-là, c'est violent. Ah, celui-là, c'est dur. Ah, c'est de la violence lourde et oppressante. Ouais, c'est vrai. Non. Donc, est-ce que tu recommandes quand même? Oui, je recommande en plus, simplement. D'accord. Mais c'est juste parce que je pense qu'il y a des... Enfin, j'ai écouté... T'as réussi à aller au-delà de ton a priori. J'ai réussi à écouter certains titres du dernier album, de l'avant-dernier, et tu vois, j'ai été pioché un peu partout. Et il y a certains morceaux où t'as justement ce petit côté un peu plus... j'ai même vu un peu de côté heavy, tu vois, dans un des morceaux, tu vois, qui balance un rock un peu plus... derrière, forcément, il rattrape le coup avec ce côté très... Il retombe dans l'escalier. Voilà, c'est ça, c'était blablabla. Et mais je pense que sur scène il y a peut-être quelque chose à... Est-ce que t'as quand même envie d'en écouter plus? Oui, du coup. Ah ouais, donc parce... oui, quand même, ça t'a bien bien marqué, quoi. Ouais, ça m'a marqué parce que c'est vrai que ce côté oppressant, ça me gêne un peu, mais il y a toujours quand même Je suis le côté oppressant, je te rejoins totalement. Moi, ça m'a vraiment oppressé, j'ai arrêté. Ah, quoi. C'est limite, t'as l'impression d'avoir le cœur tout serré. T'es. Non, mais j'ai eu l'impression qu'ils s'en prenaient à moi personnellement. c'est l'impression que j'ai eu aussi. C'est vrai. Mais je vous ai rien fait, moi, merde. Yeah, c'est pas de ma faute, les gars. D'accord, très bien. D'autres choses à en dire ou pas? Donc j'enchaîne. Non, je pense que si jamais on allait au Hellfest, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Qui sait? Ouais. Bah du coup, ouais, si l'occasion se présente, j'irai jeter un œil. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu découvres des groupes que tu n'aurais pas forcément écouté au premier abord. Et là, tu te dis, hey, j'aimerais bien jeter un œil. Très bien. Tout à fait. Mon dernier groupe, Bob, est-ce que tu connais 4chan? 4chan. 4chan. 4chan. Non. Non? Non. 4chan est un forum anonyme d'abord créé dans le but d'échanger autour d'animés et de mangas, entre autres, avant d'élargir sur tous les sujets possibles, avec principalement un échange d'images, mais pas que. Et le groupe de ce soir est né d'une blague sur ce même forum. Zeal and Ardor, zèle et ardeur, est le projet d'un seul homme, Manuel Gagneux. Manu, comme on l'appelle, qui s'amusait en 2014 sur 4chan à mixer deux styles musicaux pour en faire une chanson, le tout en 30 minutes. Quand il reçoit un message lui disant « Fais un truc de black metal !» et un autre « Fais un truc de musique noire !» Et au-delà de l'expérimentation, Manu y a vu tout un concept philosophique. Un lien, d'un côté le christianisme qui a été imposé aux esclaves américains et en Norvège, et comment ça aurait sonné si les esclaves américains avaient fait de même. Et nous voilà face à un mélange de black, de musique spirituelle, de blues et de tout ce que Manuel peut faire dans son sous-sol. Bird Mask était né, s'ensuit un premier album éponyme en 2014, suivi deux ans plus tard par le premier album officiel du groupe sur Bandcamp en 2016, puis réédité par MVKE en 2017. Et comme quand je trouve mieux, je me tais, voilà la description du Bandcamp du one-man project Zeal and Ardor. Imaginez ceci, Django sacrifie une chèvre sur scène alors que des chants d'esclaves intimidants rugissent et que des riffs de guitare grincent en arrière-plan. Puis, le cliquetis rythmique évoquant une invocation satanique fait place aux mélodies étrangement familières du black metal norvégien. Donc c'est exactement ce que m'a fait ressentir Zeal and Ardor, dont j'ai écouté l'album plusieurs fois. Il y a vraiment un parfait mélange entre... Alors, il y a vraiment un mélange, parce que parfait mélange, je dirais, il n'y a pas autant de black metal que de musique noire, enfin de trucs qui rappellent la musique des esclaves. Mais les quelques touches de ci, de là sont assez malinement amenées pour que ça en fait un groupe, je trouve, hyper écoutable par tout le monde, en fait. Ce que j'ai aimé... Par tout le monde, ce que je n'ai écouté... T'as pas trouvé ça... Moi, je pense qu'il y a les chansons peuvent justement... sont assez ouvertes pour que même si t'aimes pas du tout le black metal, tu peux aimer, quoi. Ouais, mais... je trouve que t'as... Enfin, de ce que j'en ai écouté, t'as pas... Enfin, je trouve pas ça ouvert à tout le monde, tu vois. Bah, faut en fait, avoir quand même... Il y a un certain... Alors, ouais, non, niveau pas, dans le... Quand je dis écouter, c'est pas forcément... je veux dire... En fait, je vais reformuler dans le sens... Si, par exemple, tu mets un morceau de black metal à quelqu'un qui écoute pas du tout de metal, il va rejeter en bloc. D'accord ? Ça, tu peux le mettre, la personne va écouter. Tu vois, elle va pas être bloquée dessus par ce qu'elle entend. Elle va pas forcément être... Après, je te parle pas d'aimer. J'ai pas tout écouté de Zeal and Ardor, mais... Après, voilà, moi, je te dis, j'ai écouté 3 ou 4 titres. Toi, tu penses que ça peut... Moi enfin... Alors, c'est hyper intéressant. Moi, je pense que justement, ce qu'il propose est hyper ouvert dans le sens où... t'es pas obligé d'avoir les codes pour apprécier ou même ça, juste je suis d'accord ou juste écouter, et que même si t'es réfractaire au métal en général, tu peux te laisser quelques moments à écouter pour voir où ça va. Ouais, mais ça reste assez ah, mais je parle space pas de... quand même quoi. Mais je parle pas d'aimer, justement, je parle d'écouter. Non, je te parle pas d'aimer non plus, mais je trouve que c'est assez space quand même. Ouais. Donc à première écoute, les gens qui n'écoutent pas de métal en général vont avoir quand même une certaine réticence à se dire « Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette musique ?» Bah non, moi, justement, ça pourrait être un truc que je pourrais conseiller à des gens qui n'écoutent pas du métal, moi. Ça ferait partie des gens en disant « C'est assez ouvert et large pour que ça fasse écho quelque part en toi. » Je réécouterais, parce que, je sais pas, j'ai pas... Moi, j'ai c'est pas comme... Ce non, mais moi, c'est... Après, c'est ma manière de justement, de... Je suis le mec mainstream, je te rappelle. Pour moi, c'est plus... c'est beaucoup plus facile d'écouter ça que n'importe quel truc, on va dire... de Red Fang ou un truc... Moi, les gens que je connais qui n'écoutent pas du tout de métal, Red Fang, ils vont bloquer direct. Parce que ça sonne trop rock. Ça, c'est beaucoup plus large, selon moi. Ouais, mais il y a ce côté quand même, avec les bruits de chaîne qui tapent. Ouais. Et bien, justement, côté, hein. ça va les interpeller sur autre chose. Ils vont pas du tout avoir un blocage métal. Ah bah non, c'est sûr. Mais donc, pas d'autres blocages non plus. Ils vont dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on me fait écouter? Ah, mais ça, je suis pas sûr qu'ils disent, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça ouais, m'intéresse. Après, ça dépend avec les gens avec qui tu discutes. Mais moi, les gens avec qui discutent... Ouais, mais tu sais, les gens... Disons que si tu fais écouter cette chanson ouais, avec les bruits de chaîne, comme tu dis, là, qui est donc Devil in Me ou Devil Inside Me, un truc comme je ça. Je crois que c'est pas la seule qu'ils font. Non, c'est pas la seule, mais ouais. Je pense que c'est à celle-là que tu fais référence, en tout cas. Oui, certainement. Avant de se rendre compte que le morceau est fini, je pense qu'ils peuvent arriver à la fin et se dire là, tu viens d'écouter un morceau où il y a du black metal dedans et de pas t'en rendre compte. Et j'ai été justement regardé après des lives du groupe, parce que du groupe qu'il a formé. J'en ai vu deux ou trois aussi. Ouais. Et j'ai trouvé ça vachement bien, je trouve que ça marche bien parce que ça reprend quand même le style un peu, les codes du black par certains côtés, et ça marche vachement bien en live. Et en fait, j'ai trouvé que le mélange atténuait la partie black que j'aurais pas aimé toute seule, mais que ça amenait une autre dimension, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par contre, vu le single dont on a parlé la semaine dernière, quoi, du prochain album à sortir, donc qui s'appelle Stranger Fruit et qui est prévu pour le 8 juin, je suis autant hypé et pressé de l'entendre qu'inquiet parce que le single sonne pas comme l'album et pas comme je sens moins la racine black metal et j'ai peur que comme c'est un mec qui fait de l'expérimentation et qui tente des choses, j'ai peur qu'il ait trouvé une ouverture via ce mélange pour ensuite s'en éloigner pour faire quelque chose de plus trop métal ou beaucoup moins. J'ai peur de ça parce qu'il y a quand même 2-3 passages dans l'album où j'ai quand même eu l'impression d'écouter un petit peu du Yann Tiersen style Amélie Poulain, quoi, avec des chansons un petit peu au piano, toutes mignonnes, de trucs, mais ça me rappelait vraiment ça, quoi. C'était pas gênant, c'est juste que je m'étais dit c'est quand même du black metal où ils ont passé 2-3 couches de coton avec une bonne couette pour être bien dedans. Enfin, du coton. Putain, bien l'image. Bravo. Putain. De couette en plume. En plume, c'est de la plume. Voilà, moi je la plume d'oie. De la plume d'oie. Qui n'a pas été maltraitée. Et tu vois, pour en revenir à ce que pour le côté passe-partout, le 27 avril, donc dans 2 jours, Manu jouera au Printemps de Bourges. D'accord. Ouais. Et au Hellfest en juin, au Montreux Jazz Festival le 5 juillet et en août au Wacken. D'accord. Tu vois ? Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est vraiment un groupe passe-partout. Effectivement. Tu vois, je l'ai comme ça que je l'ai pris et j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai écouté. Ça m'a bien plu. Le mélange fonctionne bien. Mais je me demande si c'est pas une arnaque quelque part. Tu vois. J'attends de voir. Ouais. Parce que sur scène, ça marche bien, il reprend les codes. Mais voilà. Il passe en même temps que qui ? Très très bonne question. Je vais y répondre de ce fait. Ah, il passe en. Putain, de mémoire, je m'en souviens, ouais, j'ai les boules. Ça tombe pas bien. Oh merde. Ouais. Donc il passe. Alors c'est tout en bas, parce que c'est avec un Z. Il passe le dimanche sous la vallée. À 17h35 et 18h20, deux fois, non, de 17h35 à 18h20. D'ailleurs, ils passent sous la vallée, mais ils auraient très bien pu être sous la Temple, hein, techniquement. Oui, oui. Et ils passent en même temps que Exorder. Avec un H. Avec un H. Et Killwitch Engage. Ça, c'est la flûte pour toi, ça. Je crois que j'irai voir Zillion Order. J'essaierai de faire un petit peu des deux parce que j'ai quand même envie de voir sur scène parce que les lives m'ont bien plu aussi. Hein. J'ai bien aimé ce que j'ai vu en live. Et, on ne sait pas. Si on y va. Non. Eh, tout espoir est permis. Enfin voilà, donc non, je recommande... Comment toi t'avais trouvé ce que t'avais écouté du coup? Ça m'a interpellé. Déjà d'une en me disant, tiens, ça passe au Hellfest. Après... On a eu H09909009, Aurore, entre parenthèses. On a eu Dialek. Est-ce que ça se prononce comme ça? Écoute, t'as des connaissances Non, mais j'ai vu ça, je sais plus quand. Ça se prononce, il y a la phonétique, mais je crois que c'est dans le livret. Ça se prononce Die Alec. Mais ils font bien ce qu'ils veulent, ces gens-là. Mais tout à fait. Voilà. Donc après, non, je dis, bon, bah, pourquoi pas. Et c'est... ce que j'ai écouté m'a interpellé, forcément. Parce que, bah, déjà, voilà. Je crois que c'est la première fois que j'entends ce genre de musique, ce genre de mélange. Voilà. Ça a vachement plu d'ailleurs, ça a beaucoup ça a très bien marché. Hein. Mais ça m'étonne pas en même temps. Ça ne m'étonne pas parce que c'est pas désagréable à l'écoute. Ça va, ça passe. Hein, passe plutôt bien. Et moi, je me suis pas dit non, c'est pas pour moi. Je me suis pas dit ouais, c'est génial. Je me suis dit bon, à approfondir. Voilà, tout simplement. Bah, l'album passe très vite. Hein. Ouais. Mais j'avais écouté en fait en voyant tout ce qui passait sous la vallée. Donc, je me suis dit tiens, hop, toute la vallée, je vais me la faire. Chut, comme ça. Et du coup, je me suis fait toute la vallée. Respect. D'accord. Ça en fait du monde. Ça en fait pas mal. Ouais. Très bien. Donc tu vas approfondir un peu ? Bah oui, du coup, mais tu vois, ça fait partie, faire beaucoup. Ça fait partie de tout. Eh bien, du coup, moi, je vais recommander plus avec un bémol sur J'attends, parce que ça pourrait être un peu une arnaque, donc je me méfie de... Autant j'ai bien aimé ce que j'ai écouté, autant je... Attention. Ça me fait penser au groupe de l'année dernière, justement, avec la nanette qui était... Vaudoun. Ça me fait penser un peu, pas dans le côté original, esprit, ouais. Tu vois, oui, vraiment complètement décalé, différent, voilà. Très... Ouais, je suis d'accord. Ouais. Dans ce cas-là, passe sous la vallée. Oui, pas du tout musicalement, ni rien. Ouais. D'accord. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste le côté vraiment décalé, original et qui... Tu te questionnes, tu dis, ok, d'accord, pourquoi ? Bon, bah, ok. Voilà, mais après, c'est vrai que moi, j'attends de voir si vraiment le mec est un vrai ou si juste il était opportuniste, il a vu une fenêtre, il est entré, et puis du coup, après... Tu penses voir ça à quoi ? Parce que justement, le premier single n'est pas dans l'esprit, je trouve. Il est bien, il me plaît bien, mais il n'y a aucune trace de ce black metal annoncé, quoi. D'accord. Je peux comprendre le côté mélange qu'il a fait en atténuant le black metal pour dire, pour que ça marche bien, il ne faut pas être trop black metal. Il utilise les bons codes, je trouve que ça marche bien, vraiment ce qu'il reprend, ça marche bien, mais comme justement dans le single qui est sorti, il n'y a pas du tout ça. Voilà, je peux comprendre si le mec s'est dit j'ai fait une ouverture, je suis rentré, puis maintenant bah, je vais faire autre chose. Je peux comprendre. Ah, et après, à ce moment-là, oui, je le cracherai de tous les noms et je lui dirai Manu, t'as fait de la merde. Ah, c'est ça. Après, en même temps, si Manu il est au Hellfest et qu'on peut lui parler, moi j'adorerais discuter avec lui. Hein. Tout à fait. Parce que je trouve que c'est un mélange hyper intéressant et que j'ai bien aimé. Mais bon, malheureusement, il y a des mecs comme Tobias Forge qui ont fait Ghost et qui nous ont bien un petit peu mis à l'envers. Donc maintenant, je suis. Voilà, c'est ça. Non, je l'ai mauvaise, quoi. C'est ouais. Je suis un mec énervé. D'où les tatouages. Les tatouages, les pecs et les bonnets qui cassent la calvitie, quoi. Exact. Bon. Choqué. I'm shocking. On tire les prochains groupes ? Allez, vas-y, on va les tirer. Du coup, comme c'est le dernier marqué, c'est Poule. Fange, ça veut dire que c'est toi qui recommences ? Parce que du coup, comme ça, ça veut dire que c'est moi qui vais finir, et ainsi de suite, normalement. Ouais, ou je dirais plutôt c'est toi, du coup. Bah non, moi, j'ai tiré Fange, du donc coup, t'as tu tiré tires le dernier. Prochain. Donc si je tire le premier... En fait, tu seras toujours celui qui tire le dernier, moi toujours le premier. Alors non, mais là, c'est pas grave, je m'en fous, moi, oh, dis donc, moi, je cherche pas la bagarre, hein. Et moi, je suis le mec. Ouais, ça va, il serre les poings, genre. Matouchka. Ah ! Ah, bah, ça va faire plaisir à Julien, parce qu'il attendait énormément qu'on en parle. Ah bon ? Il connaît ? Ouais, il a écouté un peu, il a bien aimé certains trucs. Matouchka. Parce que c'est du black. Hein. Je te le dis d'avance. Comment j'écris ça, ouais. Comme ça se prononce. Matouchka. Ah, mais il y a HK. Les shérifs. Oh, flûte. Non, c'est sympa, les shérifs. Oui, bah oui. C'est Franchosé. C'est ça. Cocorico. Bah tiens, origine. Tu ne l'avais pas encore celui-là ? Bah non, heureusement. Tu connais ? Non. Pas du tout. Je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que cela peut-il bien aider ? Tiens, dis donc. Bah quand même. Modern Life is War. En même temps, c'est pas faux à 100%. Ça serait bien un groupe pour la bagarre, ça. Ouais. Antaunma. ça? Ouais, c'est ça. Antaoma. Je te laisse le... Antaoma. Antaoma. Antaoma. Le mec est dyslexique. Je te merde. Toujours, toujours. Antaoma. Terror. Tu connais? Bah oui, je connais. C'est un groupe. Ils étaient number one. Oh, oh, merci. Oh, Rise of the North Star pour moi, Bob. Oh, c'est triste pour notre ami Jacques qui non, va pas tomber sur Rise of the North Star. Ah bon, il passe cette année, dis donc, grosse surprise. Bah écoute, ça me fait plaisir que ça te passe. Oui, Julien, plaisir. Il passe cette année. Amen-Ra. Merci à toi. Ah bah, je suis content de tomber sur Amen-Ra, c'est le groupe que j'avais envie de... Voilà, Amen-Ra, c'est parfait. Voilà. T'as vu, j'ai Rise of the North Star. Ouais, c'est... Bah, hé, comme quoi, hein, la vie est vraiment une pute. Même les cons ont de la chance. Putain. Eh bah, écoutez, voilà, c'était l'épisode 23 qui a duré 1h50 quand même. Hein. C'est tout. Bah, ça va. Je vois les trucs de mon micro. Non, mais c'est le temps du réglage, tout ça. Ouais, non, tu pourras couper, je pense. Du coup, bah, on vous dit à très bientôt. Peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Redit. On verra, on se redit. On a des petits soucis personnels qui nous forcent. Non, je déconne, c'est juste la voiture qui vient. Donc, ça va peut-être empêcher que la semaine prochaine et la semaine suivante, potentiellement, je ne suis pas là. Et comme Bob, tout seul avec la technique. Allez, fumer du hack-kick. Hey, c'est pas prévu. Après, si on me met un truc dans la gueule, moi, je suis... Je suis pas contre les expériences. Très bien. Eh ben, on vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, de fin de semaine, de fin de vie. Parce qu'il y a sûrement des gens à l'hôpital qui nous écoutent et qui... Ah oui, bah toi, t'as l'espoir, ça, c'est bien. Non, ça fait plaisir. Et ça fait de l'audience. Hein. Moi, toute l'audience, je la prends. Hein. C'est sûr. Donc, il y a peut-être même des gens morts qui nous écoutent, ça se trouve. Le public silencieux, la France d'en bas, comme on dit. Oh non, c'est honteux. Le mec se sert de sa mère morte. C'est horrible. Johnny, ça marche. Ça se trouve, il nous écoute. Ça se trouve, il nous écoute. Johnny Hallyday. Oui. Johnny Ramones. Oui. C'est vrai ce que tu dis. Qui c'est? Bah, eux. Ça me file le larmichette, putain. C'est pour ça que j'avais dit la France d'en bas. Ouais. Oh. Hey. Bah oui, hein. Ah. Allez. Bon, allez. Bonne fin de soirée à vous tous. On n'oublie pas le dicton de Bob qui est « Tant qu'il y a des affiches au mur, c'est qu'on n'a pas froid. » Ouais, et que on plante tes tulipes. C'est vrai. Tu verras si... Ouais, c'est ce que tu dis tout le temps. Si en plus, ça pousse. C'est vrai. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à acheter God of War. Il est déjà en rupture sur Amazon. Sérieux? Ouais. Vache. Je vais regarder. Alors, voilà. Eh ben, on vous souhaite une bonne ce que vous allez avoir par la suite, du coup, hein, matinée, midité, soirée, après-midité, ou soirée, ou nuitée. Voilà. Voilà. Je sais pas. Bah, on vous aime. Et on vous emmerde. À la prochaine fois. Parce que c'est... Bisous. Bisous, ouais. Pouf. C'était dur, hein. Ah, j'en ai marre, putain de con. Ah, oh, c'est clair. Ce qu'on n'est pas obligé de faire. Hein. Tu crois qu'un jour ils sauront vraiment qui nous sommes?